Le plan d'aujourd'hui, à assemblage requis. Mathieu est absent, alors moi, Stéphanie Paradis, vous propose une émission spéciale filles. Que des chroniques faites par des filles et le moins possible de Mathieu Plante. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bienvenue à Assemblage requis. Je m'appelle Stéphanie Paradis et je vous proviens directement des studios de Cifou à Trois-Rivières. Mathieu Plante est en congé aujourd'hui, alors il m'a demandé si j'avais envie d'animer l'émission seule. Ben évidemment, je vois ça comme un vote de confiance et une opportunité de vous prouver que je suis la meilleure. Donc, pour les trois prochaines heures, c'est moi, Stéphanie Paradis, qui déciderai du contenu. Je vais vous présenter que des chroniques faites par des femmes de talent, donc Justine Renaud, Alexandra Carignan, Marie-Laurence Audet et moi-même, Stéphanie Paradis. Alors, restez à l'écoute pour cette édition du guide de l'utilisateur d'assemblage requis, Femme ta gueule. Ah quoi? C'est quoi ce titre-là? Mathieu, maudit! Ça fait un bout qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on a l'eau à la bouche, en fait. C'est juteux. Oui, c'est très juteux. C'est Juicy, comme on pourrait dire, qui est aussi le surnom qu'on donne parfois à Juicy Justine Renaud et sa chronique musico-scientifique. Bonjour Justine. Bonjour Mathieu, bonjour Stéphanie, ça allô? Va bien? Ça va bien et vous? Ça va très bien, moi, merci, bonjour. Docteur Renaud. Ah, c'est une voix qui est tout à fait congrue avec la température. Congrue, au lieu d'être congrue, en fait. Ben, c'est l'inverse de l'incongru, à mon avis. Est-ce que tu es congrue? On va aller voir dans le dictionnaire après la pause pour voir si c'est un mot qui existe. J'ai un angle congru aussi, tu sais, aigu, t'as... Obtus, exigu. Congru. Je pense des angles de... Donc, Justine Renaud, la musique et la science fusionnent ensemble. Souvent, ils fusionnent ensemble, font un mélange qui chatouille les papilles de notre cerveau, telles que je les appelle, les neurones. Et celles de tes oreilles, les papilles dans les oreilles aussi, j'imagine. Si tu veux avoir des papilles dans les oreilles, c'est pour toi, mais ça voudrait dire que t'as de la langue dans l'oreille puis que c'est David Ferrault qui t'en fait... T'as vu que j'ai pas étudié en biologie bien longtemps. Ben c'est correct. Il faut toutes sortes de monde pour faire un monde. Je te dis, c'est ça. Okay. Donc, parlons du concept de ta chronique. Après ça, on va, comme tu le sais, j'espère, essayer de te trouver un nom de chronique ah, que oui. Tu veux pas avoir. Ben, hein? C'est le début de la session, c'est le même qu'on fait ça. Oui, effectivement, parce que en fait, à chaque début de session, j'arrive ici avec le plus gros dilemme de ma vie, c'est-à-dire la nomenclature de mon émission. Ouais. Et à chaque fois, on trouve quelque chose de génial. Cette fois-ci, on a de la pression. Ah, vous avez de la pression parce que j'ai pas trouvé de mots qui riment avec Justine. Encore aujourd'hui. Là. Ah, des toujours mots. Aujourd'hui? Des mots, on en a trouvé qui riment avec Justine, ouais, ben oui. Mais peut-être pas pertinents. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de mots qui riment avec Justine, mais ce ne sont pas les bons. Pertine avec Justine. Pertine. C'est comme, pertine. Ah! C'est comme le verbe. De... J'aime ça. Ouais. Pertiner avec ouais. Justine. OK, concept, qu'on comprenne. Le concept. Le concept, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, Mathieu, la science et la musique ne font qu'un souvent, et parfois même la musique va emprunter des termes de la science, parfois des termes poussés, des fois des termes plus vulgaires, comme par exemple, le thème d'aujourd'hui, ce sera les cyclones, les ouragans. C'est tout à fait d'à propos avec, en fait, le système dépressionnaire d'aujourd'hui qui s'abat sur la trifluvie telle... telle une claque sa gueule. Donc, ceci dit, le terme cyclone fera partie de mon thème, mais je vais trouver aussi des chansons. Ben, j'ai trouvé, hein, je fais pas ça sur le pouce de même, je suis pas si hot que ça. J'ai trouvé des chansons qui, soit qui parlent du thème, soit qui comportent le mot dans le nom de la chanson. Donc, il s'agit de marier la musique avec une explication scientifique de mon thème de la journée. Aujourd'hui, étant les cyclones. Génial. Donc, Là, on avait proposé un paquet de mots en in. On les a déjà dit 1000 fois. On avait dit protéines, on avait dit hémoglobine. Mais j'ai quand même pensé, tout simplement, là, qu'est-ce que je fais à matin? Je suis en train d'éclairer des gens. Hein? Oui. Je suis en train d'éclairer des gens. Puis moi, je pense que ma chronique pourrait tout simplement s'intituler « Éclaire-moi ». Éclaire-moi. Ou éclaire-moi donc. Comme allume-moi, genre à V, là, genre. Ouais, non, mais non, s'il te plaît, pas allume-moi. C'est un petit peu plus intelligent comme thème. Mais il n'y a pas de in. Non, on veut un in. Non, mais hein, c'est pas caféine. Non. Caféine. Adrénaline. Non. Insuline. Ouais. Ben oui, mais c'est ce que je pourrais nommer tous les noms scientifiques qui finissent par in, puis on serait là demain matin, là. Clint Eastwood. De juste. d'Orépine. C'est une plante dans World of Warcraft. OK. C'est bon. On est rendu loin. Le Jobin. Jobin. Le musicien, Jobin. Ouais. Jobin. Jobin. On va pas très loin. En anglais, ça sonne quasiment mieux. Jobin. Ouais. What's your name, Jobin? En français, Jobin. Aspirine. Aspirine. Okay, c'est pas ça. C'est parce que vous voyez que aujourd'hui on parle d'ouragan. Demain, ça se peut. Ben demain, dans deux semaines, ça se peut que je parle, comme vous dites, d'hémoglobine. Après ça, pénicilline. Mais après ça, je vais peut-être parler du bras canadien. Je vais peut-être. Et c'est ça, là. Ça peut pas se limiter à la science de la santé. Musical, scientifical, spin ouais. With Justin. Ouais, mais c'est Justine. Ouais, Justine. Il y a un titre en anglais. On va se faire taper ses doigts, non, je pense. Je sais pas. Pas pour une chronique. C'est moi qui ai le droit de regard, c'est une autre chronique. Là, et si tu veux un ça nom en anglais. Ça répond pas à la charte des valeurs, je pense. Si tu veux un nom en anglais, t'as le droit. Tu sais, je te le dis. Ben, on y repense encore. Je pense que. Ouais, non. Je pense que ça va être long, pas mal. Fait que la chronique pour débuter tout ça, hein, c'était on trouve un nom. Baptisons l'émission. Mais si c'est éclairer vos lanternes, moi ça va être éclairer vos lanternes. Puis là, je vais dire qu'il y a un in à la fin. Il faut que ça arrive. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les cyclones. Oui, les cyclones. En fait, c'est encore plus à propos par le fait que demain, Odile, qui est dans l'océan Pacifique en ce moment, puis qui se la coule douce, va frapper, dans le fond, la côte ouest du Mexique et un peu le sud-ouest des États-Unis. Odile va se transformer en ouragan environ cette nuit pour que demain, à l'heure du dîner, les gens y reçoivent une bonne dose de pluie, beaucoup d'éclaboussures, ça va être babel fun, tout le monde va être mouillé, oh, wow. Wet t-shirt. Disons qu'Odile va frapper tel un pot de cornichons frappé sur le bord d'un comptoir, ou un, comme on l'a déjà dit dans le passé, Odile Pickle. Odile Pickle! Oh. Moi, je suis capable de faire le bruit d'un pot de cornichon qui ouvre. Vous l'avez peut-être entendu? C'est soit ça ou Venus Williams qui affronte sa sœur. C'est Venus contre Serena. Ah! Ah! Ah! Essentiellement. On dirait un oiseau qui envoie des je sais pas. Non, des, c'est le duo. Oui, on dirait plus l'oiseau dans Donkey Kong. Oui, là, des oeufs. Il envoie des oeufs. Oui, c'est vrai. Mais je connais une fille qui s'appelle, on va la saluer, elle s'appelle Jessica Moisa, qui, elle, fait exactement le même bruit de ce vautour dans Donkey Kong, que quand on saute dessus, il fait vraiment comme... Ah, mais là, on l'invite. Ouais, oui, puis on pourra faire des jokes de parle-moi-en pas. Ça va être encore plus drôle. OK, et ça, c'est en rapport avec les cyclones. Les cyclones qui peuvent se décliner en deux types. Il faut que je retourne à ma chronique. Mathieu me regarde comme genre, ah, je voulais continuer de parler de Donkey Kong. Non, moi. Ça va. Oui, mais j'aurais aimé ça, mais ça va. Donc, pourquoi les cyclones? En fait, j'ai appris ça hier, vraiment. Un cyclone, là, c'est un terme pour regrouper tout ce qui est les tempêtes tropicales qui se produisent au-dessus des océans. Donc, il y a le terme cyclone qui chapeaute toutes les zones. Les autres termes, cyclone, tropical, ouragan, ainsi que typhon. Mais c'est quoi la différence entre ces maudits termes-là, Colin de Ben? Là, je me suis un peu inquisitionnée pour vous autres. C'est en fait l'emplacement de où est-ce qu'il se... tu me regardes. Bon, là, c'était un mot qui se disait j'ai le droit. Okay, j'ai le droit d'inventer des mots. T'as le droit. Oui. Je pertine. Je pertine. Sérieux, elle est quand même bonne, celle-là. Je pertine. Justine pertine aujourd'hui, tu sais, okay. C'est ça. Hein? Alors, les ouragans, eux autres, ils vont plus se former, comme vous le savez, probablement, au niveau de l'océan Atlantique. Ils vont se former juste au nord de l'Amérique du Sud et vont se diriger vers l'Amérique centrale. Parfois, les ouragans vont se former de l'autre côté, fait qu'ils vont porter leur fusée sur l'autre épaule, vont changer leur fusée d'épaule et vont se former au niveau de l'Amérique centrale, mais du côté de l'océan Pacifique et vont se diriger, vont remonter la côte des États-Unis. Ça, c'est pour les ouragans. Pour les cyclones tropicaux vont plutôt se former au-dessus de l'océan Indien et vont aller frapper la côte est de l'Afrique et parfois vont se former au niveau du nord de l'Australie et vont aller frapper justement la côte nord et un peu la côte ouest de l'Australie. Pour les typhons, moi les typhons, je me suis toujours dit pourquoi que c'est tout le temps les Asiatiques qui pognent les typhons? Ben oui. Donc, les typhons, ils sont pas chanceux quand même. Les typhons, ils se forment au niveau de l'océan Pacifique, mais à l'ouest. Et donc, ils vont remonter tout au long. Le Japon, Indonésie, toute cette gang-là, ils vont recevoir toute une rincée parce que les typhons sont parmi les plus forts de toutes les tempêtes tropicales qu'il y a à cause que l'eau est chaude. L'eau est très, très chaude, donc ça va créer des vents qui sont beaucoup plus importants, qui se soutiennent beaucoup plus longtemps. Donc, ce sont parmi les tempêtes les plus fortes. Ça va remonter, pareil comme dans un yoga, quand tu brasses, le typhon de fruits va monter. Ah, c'est bon. Comme ça. Arrête, parle-moi pas de liberté. Là, j'ai juste envie de tromper ma crème glacée, mon petit. Excusez-moi, moi, le yoga Liberté, si je pouvais avoir une commandite, là... Libertine! Libertine avec juste... Hey, arrête! Ah. The Libertine avec Johnny Depp, à la fin, il meurt genre de syphilis. Spoiler! Les années 90, genre, je sais pas. Excusez-moi, Johnny Depp, il meurt. D'une ITS. Bon, donc, protégez-vous, les enfants. Et si je peux juste résumer brièvement, un cyclone, un ouragan, c'est relativement pareil, même chose avec les typhons. Avant de pouvoir se classifier comme un des grands, donc un cyclone, un ouragan ou un typhon, et pas juste une tempête tropicale, il faut que les vents atteignent 120 km/h. Ça, c'est la vitesse que je vais... Pas à matin, parce que la 40 ouest est jamais. Ouais. Et qu'il y a un peu de police quand même là, à la rentrée. Là. Faites attention. Sinon, saviez-vous que à l'hémisphère sud, toutes les tempêtes tournent en sens horaire? Et que dans l'hémisphère nord, toutes les tempêtes tournent en sens anti-horaire. Comme les toilettes. Comme les toilettes. Exactement. Ça a rapport avec la rotation de la planète qui fait en sorte que les tourbillons se font toujours d'un bord. Fascinant. C'est bizarre, hein? En tout cas, moi, je me demande juste à l'équateur qu'est-ce qui se passe. Ça, quand tu flushes ta toilette, fait des lignes droites. Ça fait coup. Ça fait juste quand tomber. Excellent. Et voilà. Et juste pour terminer, nous autres, on n'est pas à risque, mais des cyclones, ils s'en produisent quand même 10 à 14 par année. Des ouragans, plus 4 à 5 par année. Et des typhons, ils peuvent en avoir jusqu'à de 20 à 30. Wow. Des typhons, en plus d'être très, très forts, il y en a beaucoup en tabarnouche. Ceci dit, on va aller écouter un de nos artistes préférés québécois, Karim Ouellet, qui, lui, nous propose une chanson cyclone. On va aller l'écouter à l'instant et on revient par la suite. Tu nous as tendu le popsicle? Je vais tourner ton corps. Popsicle cyclone. Miam, miam, miam. Comme un hélicoptère, comme un cyclone. Sur la route, parsemée de doutes, de pièges et de mauvais sorts, je serai silencieux comme un renard. Et je t'en ferai voir. De toutes les couleurs, loin de moi, les idées noires. Sur la route, parsemée de doutes, de pièges et de mauvais sorts. Ah mais que se passera-t-il donc? Je connais ton numéro, je connais ton adresse. Oh, mademoiselle en détresse, je connais ton adresse. Je briserai ton cœur. Tomberont tout comme effondre villes et campagnes. Dans le ciel, au pays des merveilles, il n'y a plus rien qui vaille. Ensemble, pour toujours, nous tricherons la mort. Je t'aimerai d'amour, all night.

One day I saw a beast coming from across the sea. I never knew fear until he came for me. I call out for a killer, I look for a knife. I drank from his river, it ruined my life. I saw him coming at me empty and so cold. I never knew emotion till it caught me in this fall. Can you imagine living one more day with a beast right up in your face? Can you see me dying in this house, in any house, for a man in vain? Bloody body hurricane, huh? Yeah. Look out of the harness. Let it go, let it go. Out in the darkness. Turn out the light, yeah. Out in the madness. Let's take your pills. Finally righteous. I love the beast, yeah. Look out of the harness. Let it go, let it go. Out in the darkness. Turn out the light, yeah. Out in the madness. Then take your pills. On vient d'entendre Mr. Hurricane du groupe Beast. Juste avant ça, on entendait Hurricane de Miss Mister. Et avant ça, Cyclone de Karim Ouellet. Donc, tout un mélange de température de marde. on est encore à la chronique sans nom. La chronique à nom à déterminer. À nom à déterminer. Oui. Mm-hmm. Justine s'agglutine. Ah, c'est pas pire. Moi, j'avais pensé à Justine Bouquine, mais c'est tellement vaste. Il faudrait que je fasse vraiment comme une émission au sujet des livres. Ouais, c'est ça. Justine c'est nous déguédine. Oh. Mais Justine Pertine. Ouais, Justine Pertine. Ça me dit quelque chose, hein? Moi aussi. Surtout que ça existe pas. Non, comme ben c'est en plus. Mais ça ressemble beaucoup aux pectines, là. Ouais, justement. Les qu'on retrouve justement. Dans les nos confitures. Tape là-dedans. Mais yay, confiture! Oh! On l'a entendu. Wow! Et voilà. Donc, juste avant la pause, on parlait justement des cyclones et des trois sous-cyclones qu'on peut retrouver dans un cyclone, c'est-à-dire les cyclones tropicaux, les hurricanes, les ouragans. Excusez-moi, j'étais encore en mode anglophone. Et les typhons! Sous. Ah, vas-y. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est Stéphanie qui avait non, mais moi, ça n'a comme pas rapport pantoute avec les ouragans. C'est pas les mais, pops. Les j'ai particules. Eu droit à deux high-fives de chroniqueurs cette semaine. C'est qui, là? Charles-Antoine Rioux. Hey, bravo, cool. Il est-tu fin? Ben oui. Ben, mais hein? Bonjour, Charles-Antoine. Chuck Tony, man. On ne s'est pas encore rencontrés, nous deux, je pense. Non, mais vous êtes le jour contraire de l'un et de l'autre. Lundi est le contraire de jeudi. Sérieux? On fait mardi, je pense. Que ça la journée contraire du jeu, c'est le jeudi dans la nuit. Je pense que c'est ça. Bon, c'est bon. Excellent. Ah. Et on avait aussi déterminé avant la pause, avant qu'on change de sujet à peu près 14 fois, que dans le fond, les ouragans et ou les cyclones et ou les typhons, dépendamment de s'ils sont dans l'hémisphère nord ou sud, tournent d'un côté ou de l'autre. Dans l'hémisphère du nord, c'est en sens horaire et dans l'hémisphère du sud, c'est le sens anti-horaire. Mmh. Et je vous ai trouvé, dans le fond, l'explication pour ça, parce que c'est quand même intéressant pourquoi que quand tu actives la chasse d'eau, pourquoi est-ce que ça tourne d'un bord ou de l'autre et pourquoi les ouragans tournent du même bord que ta toilette? Mmh. De toute façon, qui va à chasse à l'eau? Je veux dire, t'en as dans le robinet. Je pense que j'ai un petit moment d'égard. Ça crée un malaise, ça. Donc, concernant les salles de bain, je ne pourrais pas vous répondre parce que la raison pour laquelle les cyclones tournent d'un bord ou de l'autre, ou porte à gauche ou porte à droite, dépendamment de quel bord qui sont de la ceinture équatoriale, ça n'a aucun rapport. Ben, ça a un rapport, oui, avec les salles de bain, mais en ce moment, on va parler vraiment du principe de la force de Coriolis. Et c'est dû à cette force-là qu'on a des tourbillons à droite ou à gauche. Ah, ben, Coriolis! Coriolis! Les petits tourbillons sur le dessus des pots de margarine, est-ce que ça a rapport? Sérieux, peut-être. C'est soit ça ou le manufacturier qui décide dans quel sens il barate son affaire. Ah, d'accord. Dépendamment de si ça a autant rapport que la pinotte sur le bord de pinotte a rapport avec les testicules de quelqu'un, genre nuts. Ça a autant rapport avec ça. C'est vraiment le même rapport. C'est lointain, hein? Ouais. Baratine. Non, arrête. Margarine. Je déteste Justine. La margarine. Non? Je suis désolée à ceux à la maison ou dans leur auto ou à quelque part échoué sur une île déserte qui aiment la margarine. Moi, je la déteste. Mais... c'est un goût qui me revient pas du tout. Ben non, pas du tout. Je sais pas. Moi, si je pouvais manger une livre de beurre, là, je le ferais. Puis on n'aurait même pas besoin de donner de l'argent pour. Mais une cuillère, peut-être, au pire? Oui. Okay, ça se peut cuillère. Que j'intercale avec une cuillère de Nutella entre les deux. Ah, pas la marque, là. Le hazelnut spread. Une tartinade aux noisettes et oui. Chocolat. Hey, saviez-vous que le Nutella, c'est italien? Ben okay, oui. Quand vous allez... Moi, c'est Ferrero qui fait. Ferrero. Ferrino. Non, mais j'étais proche, c'est Ferrero. Non, j'étais proche. En Italie, là, c'est débile. OK, il y a tout. Il y a de la gelato au Nutella. On est rendu tellement pas dans les cyclones. C'est quoi Ferrino? Attends un peu. C'est des affaires ouais, mais... de produits pour l'extérieur. C'est l'or. Oui, c'est sûr qu'ils font Nutella à CLR. Drano, ils font... On finit tout le temps par se perdre, ouais. Oui, hey, je suis désolée. On parlait de la force de Coriolis qui détermine de quel sens... Ah, OK, ça! De quel sens va tourner un ouragan ou un typhon ou un cyclone, dépendamment de où ce qu'il est, par rapport à l'équateur. Donc, ce qu'on sait, c'est que puisque la Terre tourne plus rapidement au niveau de son équateur, hein, qu'au niveau des pôles, ça fait en sorte que l'air autour de l'équateur tourne, va plus vite. Il faut qu'elle aille plus vite pour rattraper l'air au pôle. Tu sais, il okay, faut qu'elle ouais. soit tout le temps... plus rapide, dans le fond, qu'au pôle. Ce qui fait en sorte que ça crée une force de basse pression qui va causer une levée de l'air. Souvent, elle est chaude au niveau de l'équateur. L'air va se soulever et lorsque la Terre... Ils disent ici, lorsque la Terre commence à tourner, je veux dire, ça fait très longtemps qu'elle a commencé, mon homme. Bref, elle tourne, mais ça fait en sorte que il y a une force d'inertie, il y a une force pour combler, dans le fond, le trou de cette basse pression-là et de l'air qui est monté. En haut, ça va être au nord, dans l'hémisphère nord, ça va être en sens horaire. Dans l'hémisphère sud, ça va être en sens horaire. Mais c'est assez particulier là, à expliquer. Il faudrait vraiment que vous voyez qu'au niveau... C'est le même principe qui fait voler les avions, mais ça, c'est le principe de Bernoulli. Là, ça se rassemble un peu. C'est-à-dire que plus un fluide va vite, plus la pression diminue. Donc, la raison pour laquelle les ailes ont une cambrure au-dessus, okay, c'est pour augmenter la vitesse des particules d'air qui passent au-dessus de l'aile. Ceci fait baisser la pression et ceci crée la portance parce qu'en dessous des ailes, c'est plate, c'est lourd, il y a une forte pression qui va monter par en haut. Puis c'est comme ça qu'on tient je sais pas combien de centaines de personnes dans un Boeing 737 à 15 000 pieds en altitude. Il y a de la science dans tout quand on y pense. Il y a vraiment de la science dans tout. Mais c'est le même principe que la force de Coriolis, sauf la force de Coriolis, elle s'applique au niveau de la protubérance de la Terre qui est Rob Ford. Je veux dire l'équateur. Ah, il y a une tumeur, Monsieur Ford. Excusez-moi, je le dis avec tellement de... Mais voyons. Non. Yes! Ben, si j'étais Olivia Chow, je serais « Yes! » Rob Ford étant à la course. De... Oui, ouais. La mère. En pleine course électorale et non pas une course physique. Des fois? Ouais, il est plus petite... en marche électorale. Olivia Chow, c'est l'épouse du défunt Jack Layton. Donc, elle, il faut voter pour elle, OK? Tout le monde, vous allez voter là, dans une semaine. C'est quoi? C'est bientôt. À là. Toronto. Exactement. OK. Wow. C'est bon. Pas voter. Maintenant. Aussi, voter oui hein, pour l'Écosse, pour qu'il se sépare. C'est la même semaine, je pense. Okay? Okay. Tout ça, c'est tout relié. C'est à cause de la force de Coriolis. Et vous avez autant de pouvoir là-dessus que... Oui, j'ai fini là, ma chronique qui va probablement s'appeler Justine Pertine. OK, good. Hey, c'est fini. C'est fini. On a parlé des cyclones. Maintenant, vous êtes moins niaiseux. Quand on parlait d'équateur et de pôle, pole, ça, c'est la même technique qui fait que les danseuses, une pole sur un poteau, ça tombe d'un bord ou de l'autre. Seul, ça monte d'un bord ou de l'autre, ah, puis ils n'ont pas vraiment travaillé. On ne savait pas ça. Donc, les danseuses ne sont pas, ne décident pas de quel côté elles vont tourner lorsqu'elles montent ou elles descendent un poteau. Ça dépend s'ils sont sud-américaines ou... Ou équatoriales. Ça dépend. Oui, mais en Équateur, eux autres, ils restent en plein milieu du poteau puis ils ne bougent pas. Moi, la plupart des danseuses de poteau que j'ai vues, ça restait en plein milieu puis ça ne faisait rien. Ah, ben, ils viennent tous de l'Équateur. Tous de l'Équateur. Je me tiens à des drôles de place. OK, on dit vraiment n'importe quoi. Ouais. Si les danseuses de poteau prenaient des poteaux de pompiers, est-ce qu'ils pourraient juste descendre tout sans cesse? C'est quoi, parce que si elle monte, elle risque de se heurter au derrière d'un pompier en pleine urgence. Les fesses d'en face. OK, c'est ça. Merci, Justine Renaud. Ou fesse à fesse, d'un fois, les danseuses se tiennent à l'envers sur le poteau. Fist to face. Ouais. J'étais comme crime. Ma chanson, elle arrête au moment où ce qu'on dit de niaiser. C'est le moment, mais non. Donc, la chanson est mal à l'aise. La boîte à musique d'Alex. Mais on n'a pas encore de chanson avec vraiment le début, fait que faut que je le mime. Bon matin! Ça va? Eh hey, oui, ça va bien. Oui, on doit expliquer le concept. La semaine passée, on s'était embarqué dans des histoires de deux chroniques par semaine. Eh oui, donc, on avait le temps de culture et la boîte à musique. La boîte à musique est, qui va fusionner avec le temps de culture. Explique-nous le concept de la fusion. Parce que dans le fond, de la musique, là, c'est de la culture. Ben oui, dans le fond, quand on y pense. Ben maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais faire la boîte à musique. Donc, où est-ce que je vais vous présenter un nouvel artiste le lundi et à la fin... Je vais peut-être vous dire des fois qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine. Mais bon, cette semaine, je vais me tenir tranquille parce que c'est, comme dirait mon amie Mélissa, Rancho Molo dans le journalisme culturel. Rancho Molo. Rancho Molo. OK. Alors, c'est ça. Donc, cette semaine, il n'y a pas grand-chose à faire, même s'il y a des choses à faire. Même s'il y en a plein, là. Mais pas autant que... Pas autant que... Je vais peut-être vous mentionner une chose, mais c'est tout. Et tu vas garder des choses vraiment importantes. Oui, parce qu'en fait, là, je vous dis, il n'y a pas d'improvisation cette semaine. Non, c'est le camp de recrutement de la Luitre. Oui. Donc, c'est de retour le 22 septembre, la Luitre. Exactement. Sauf si vous voulez faire le camp de recrutement. Dans ce cas-là... Ah ben oui. Dans ce cas-là, je vais vous en parler tantôt. Tantôt, tout à l'heure, à la toute fin de la chronique. Mais avant ça, donc, la portion principale, votre programme principal... Dans la boîte à musique, c'est de la musique. Eh oui, de la musique, en fait, l'année dernière, je vais faire une liste complète et exhaustive. La semaine dernière, je vous ai fait découvrir Angus and Julia Stone, qui était une espèce de musique indie, smooth, très agréable à écouter. Je te remets ton CD d'ailleurs. The Yay! Ben oui, hein, parce que j'ai pas pu écouter, je l'avais oublié ici. Alors, Angus and Julia Stone, c'est ça, du beau indie folk. Cette semaine, je vous emmène un peu plus dans l'aspect... pop, mais pop-pop. Pop-pop. Ah, du pop-pop. Pop-pop. Parce que ça pète deux fois plus. C'est ça. Parce que le genre musical de l'artiste, qui est Kate Nash, c'est un peu indie rock, indie pop, pop, piano rock. On a plein de choses. Et ce qui est le fun, c'est que cet artiste-là, là, j'ai ses trois CD et je l'aime d'amour parce qu'elle a une manière de raconter des choses qui sont très vives. Et surtout sans censure. C'est un peu comme une Lily Allen, mais pas attachée. Parce que Lily Allen, souvent, est attachée par ses producteurs, des fois. Censure. Puis même là, tu sais, je veux dire, elle a quand même une tune qui s'appelle Fuck You. Donc, bon. Kate Nash, elle, c'est vraiment là, c'est de la pop, mais elle sent. Oh, même ici, on censure. Alors, je vous présente cette semaine Kate Nash, qui est une artiste anglaise, en fait, qui vient de l'Angleterre. Elle a 27 ans. Compositrice, c'est un auteur, compositeur, interprète. Elle a trois CD, en fait. Made of Bricks, qui est arrivé en 2007. My Best Friend is You, en 2010. Et un nouveau. Girl Talk, qui est sorti en 2013. Je parlerai pas beaucoup parce que j'ai emmené une chanson des trois albums. Parce que ce qui est intéressant avec Kate Nash, c'est qu'il y a vraiment une évolution dans toutes ses chansons, en fait dans tous ses albums. Made of Bricks, c'est un album là, tu sais, elle aimait les robes, les petits souliers. Elle avait quand même des choses un peu crues à dire, mais elle le disait avec son piano. Alors, c'était très doux théoriquement là. En fait, la chanson que je vais vous faire entendre, c'est Foundation. Je vais vous expliquer de quoi la chanson parle parce que je pense que c'est important de bien comprendre. Pour comprendre tout ça, la chanson Foundation, c'est une copine qui se rend compte que dans le fond, avec son chum, ça marche plus, qu'il est vraiment de la marde, puis qu'il la traite comme de la marde, puis ils s'entendent plus. C'est vraiment une toune de rupture là, des plus frettes Netflix. C'est pas genre ah oh, je t'aime encore, mais nous devons. Non, c'est t'es vraiment de la marde, ça marche plus notre affaire. Mais quand t'écoutes la chanson pour la première fois, tu penses pas que c'est ça, parce que c'est tout joyeux. Elle a le don de mettre des choses joyeuses. Mais vraiment, il y a une tune, la Shit Song, là, c'est sûrement la mélodie la plus catchy qu'il y a sur le CD. Alors, sans plus de temps, je vais aller vous faire écouter Foundation du premier album de Kate Nash. To say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling, why don't you just have another beer then? Then you'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. You said I must eat so many lemons, 'cause I am so bitter. I said I'd rather be with your friends, mate, 'cause they are much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive, and I must admit that I was a bit scared, but it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. Your face is pasty, 'cause you've gone and got so wasted. What a surprise, don't want to look at your face, 'cause it's making me sick. On and dear God, I hope I'm not stuck with this one. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I alors, c'était Foundation de Kate Nash. Donc, comme vous avez vu, C'est très pianoté, très doux. Et pourtant, c'est ça, c'est une vraie toune de rupture. Elle a une belle voix, très fragile. Des fois, elle chante pas, elle parle. C'est un peu comme un entre-deux. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est aussi là, naïf que ça. Son premier album, Made of Bricks, va ressembler beaucoup à ça. Donc, beaucoup de piano, des petites chansons, calmo, mais elle a tout le temps une chanson dans chacun de ses albums qui a aucunement rapport. Qui est tellement dérangeante que tu fais quoi? Dérangeante, c'est un autre style musical, mais ça fait, c'est quoi? C'est pas que c'est un style, c'est que dans le fond, c'est une chanson, comme sur cet album-là, c'est Play, puis tout ce qu'elle dit, c'est I like to play. Et il y a une espèce de I like to play. C'est comme juste ça pendant comme 2 minutes. Okay. Et sur le deuxième album, My Best Friend Is You, c'est I just love you more. Et c'est vraiment... Et celle-là, elle est particulièrement longue. Et c'est elle qui crie là. Wow! Woo! I just love you more! Woo! Et c'est juste ça parce que je pense que c'est un espèce de trip musical. Ouais. Comme on se défoule sur une chanson. Oui, puis je veux dire, il n'y a pas de parole. Là. C'est juste ça. Tu fais pas un album avec toutes ces chansons-là de chacun de ses albums, mais non. C'est genre le dîme que tu fais « Ah oui, celle-là, je la passe. » Ah, OK, tant que ça. Ben, en fait, c'est que... Ben, surtout, là, « I Just Love You More » sur le deuxième album, elle crie littéralement, Fait que non, tu la passes. Surtout, tu sais, quand t'es habitué à des petites chansons pianotées, là, comme Foundation. Donc, c'est ça, en fait. Elle sort son premier album en 2007. En 2010, elle sort son deuxième album. Là, on y va dans le... Les genres là, sont définis, c'est du pop rock. Donc, on y va un peu entre les deux, mais on a beaucoup de pop encore. Donc, il y a encore des chansons très pianotées, donc ding ding ding ding. Mais il y a un montage un peu plus autour, en fait. Merci pour l'imitation, c'était. Il y a un montage un peu plus autour. Et la chanson que je vais vous faire écouter, encore une fois, je vous en parle parce que ses paroles sont tellement délicieuses. C'est l'histoire d'une fille qui est bien normale, qui est, dans le fond, aime lire, qui est une fille normale. Et qui se fait tout le temps bypasser par une fille qui a donc bien des gros tétons, qui a donc bien des beaux cheveux. Puis... Et en fait, sa chanson, c'est de dire « Mais elle est vraiment pas intéressante. Pourquoi? » Et là, finalement, ben, le refrain, c'est « Ben moi, je vais me tenir dans le coin puis je vais lire un livre à la place. » C'est pas grave. Oui, on peut être amis. Donc, c'est vraiment... Et le vidéoclip est particulièrement délicieux. Tourner un peu à les personnes qui... Dans les avec les ouais, sur ouais, le dis, dans les ouais. Les cheveux puis ouais c'est ça ouais. Avec les caméras ça t'imagines les hôtesses de l'air dans les avions c'est ça que je voulais okay. dire. Alors ok c'était ça les elle faisait des index et majeurs qui font des genres de ok coups de... les sorties de secours c'est ça. Le secours sont par à droite ouais, ouais, ouais à l'avant à l'arrière ouais. Sur ouais. Les côtés les sacs à vomi autour du siège c'est ça exactement tout est là tu nous as pas vomi genre mimé le vomi non. Mais... Est-ce que tu souhaitais que je fasse ça? S'il te plaît. Non. Non. T'es pas dans mime à date. Hein? Non, je suis pas mime. Non. Je suis pas dans mime. T'es pas dans mime, t'es dans l'hymne. Non, t'es pas dans l'hymne non plus. T'es pas dans l'hymne non plus. La gare de recrutement n'est pas encore. Une chose à la fois. Alors, oui. Alors, on va aller écouter la douce. Je l'ai chantée beaucoup là, à moi-même, cette chanson-là. Donc, Do I Do? Read the book instead. Bye. Et voilà, c'était Doo à Doo. Eh oui, c'est une bitch. Ben c'est oui, une hein. bitch. Elle l'a ben dit. Oui, c'est une bitch. Alors déjà là, on entend que c'est moins... C'est un peu plus rock, mais on reste quand même dans le petit pop facile d'écoute. Là. Donc, c'est ça, c'est pas de la grosse écriture musicale, c'est quand même simple et répétitif, mais dans le bon sens. Oui. Tellement que on se dit, faut qu'on achète ça, qu'on achète ça. T'sais. Travaille là. C'est de savoir quand la placer pour qu'elle soit drôle. Oui, c'est ça. Celle-là, je ne l'ai même pas vue passer. C'est ça le problème. Tu sais que, c'est beau un jeu de mots, mais il faut que tu vois. Il faut le souligner. Oui. C'est ça. Laisse faire. Non. Il nous reste une dernière chanson. Oui, il nous reste une dernière chanson. C'est à la boîte à musique, pour ceux qui ne savent pas encore. Là. On est dans la boîte à musique. Je vous présente la magnifique Kate Nash. Et son dernier album, Girl Talk. Et là, elle a décidé de changer. Là, on n'est plus dans la petite fille qui aime les robes et les talons hauts et qui joue du piano. Elle a troqué son piano pour sa guitare et elle rock. Même on va vers le garage, le rock garage, le punk. Donc, on y va vraiment. Il n'y a plus vraiment de pop. Là. S'il reste du pop, c'est plus le indie pop pour certaines des chansons. Mais on y va vraiment plus, beaucoup plus rock là, que Made of Bricks ou My Best Friend Is You. Et surtout, c'est un album qui va un peu être influencé par le Pussy Riot. Oui, donc, c'est qu'ils sont fait emprisonner. Oui, c'est ça, en Russie. Elle, ça l'a beaucoup... ça l'a beaucoup touché, cette nouvelle international. Cette nouvelle sociale. Et elle va beaucoup s'en inspirer pour faire son album, là, particulièrement. Alors, elle avait sorti un EP, donc de 3 tunes en 2012. Ça m'avait flabbergasté. Et quand l'album est arrivé, là, il est vraiment bon, mais vraiment différent des deux albums précédents. Alors, notez-le vraiment dans les premières notes. Vous allez faire « OK, oui, je comprends ». Alors, on va aller écouter du troisième album de Kate Nash, « Fry End ?» Point d'interrogation. Dans la boîte de musique d'Alex. You ain't giving me the best. c'était Fry End. Point d'interrogation. Ouais, la ponctuation est importante. Oui, oui, parce que c'est... C'est une question, on va se le dire. C'est ça, c'est une question. De Kate Nash, de son troisième album. Donc, il était beaucoup plus rock qu'on entend, là, et ça, c'est partout, partout sur l'album. Très différent, très bon aussi, quand même, là, ça valait la peine, ça vaut la peine. Mais j'aime encore mieux ce style-là que son précédent, j'aime vraiment ça. Ouais, t'aimes vraiment celui-là. Ouais, ouais. Beaucoup plus, rock garage, là, justement. Là. Moi, c'est sûr que j'aime mieux les autres, hein. Je suis une petite fille. mais celui-là est très bon, là, quand même. Alors, c'était ma découverte musicale de la semaine de la boîte à musique. Oui. Kate Nash. Yay! Yeah! Merci, Alexandra Carignan. Ben, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Depuis, facilement, moi, je dirais peut-être d'avril. C'est Marie-Laurence Audet avec sa chronique Les loisirs, bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence Audet, bonjour. Oui, bon matin. Ça va? Oui, et vous? Très bien! Oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Depuis avant l'été. Ça manquait de parler de loisirs et de choses divertissantes. Voilà, je suis là. Toi. Et aujourd'hui, on a un sujet particulièrement compliqué, c'est le travailleur en loisir en milieu rural. Hein, les TLMR, comme on les appelle. On s'appelle tout le temps comme tout ça. Le temps. Tout le temps. Oui. Ben, en fait, ben, avant de commencer avec ton sujet, on parle de ta chronique en général, de toi qui tu es. Ta chronique, le loisir, bien plus qu'un jeu. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on est là? Allons-y. Je suis prête. C'est quoi le loisir? Oui, en fait, la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu qui va revenir cette année à toutes les semaines, le mardi matin. On est quel jour? Hein? On est mercredi. Oui, donc je recommence. Ça va revenir cette année tous les mercredis matin à 8h30. Donc ça va être une chronique hebdomadaire. Et non plus aux deux semaines comme l'année passée. Et non plus aux deux semaines. Donc je suis là plus souvent. Puis cette chronique-là porte dans le fond sur autant des nouveautés où on règle des problématiques. Bref, c'est dans le milieu du loisir. Je parle de différentes études qui ont été faites. Donc c'est du sérieux, il y a des statistiques. C'est vraiment. Je sors des bulletins, je sors des choses du laboratoire que je vous rends accessibles et que je vous rends utiles. Ça s'adresse vraiment à monsieur, madame, tout le monde, pas juste aux travailleurs en loisirs. Ça peut être toi qui suis des cours de loisirs dans un centre communautaire, toi qui vas dans des festivals, toi, que t'en pratiques, que t'en achètes, peu importe. Ça s'adresse à tout le monde, la chronique. Donc, c'est vraiment pour vous amener de la nouveauté sur qu'est-ce qui se passe dans le domaine du loisir. Fantastique, toutes les semaines. Exactement. Et donc, le travailleur en loisir, en milieu rural. Rural, c'est donc pas la grande ville. Non, rural, c'est l'inverse de la grande ville. C'est ça, c'est les petites villes, donc les campagnes. Petits villages. Oui, les petits villages. Petits villages. Et oui. En fait, je me suis basée sur un nouveau bulletin de l'Observatoire québécois du loisir qui est sorti. C'est une étude qui a été réalisée en 2013, donc c'est vraiment récent les statistiques qu'on a sorties. Même Statistique Canada, je suis sûre qu'il n'y a même pas autant à jour que ça. Donc, cette étude-là portait sur la réalité du travailleur en loisir en milieu rural. Ce qui arrive, c'est qu'en milieu rural, l'étude, là, elle a été faite par le Conseil du loisir et du sport de l'Estrie. Eux, c'est parce que leur réalité, c'est que la majorité des gens sont en région. C'est qu'ils disent que il y a 92 % des gens en région, puis la majorité des municipalités qui découlent de l'Estrie, il y a moins de 5 000 habitants. Donc, ils se sont basés vraiment sur leur réalité en premier pour mettre en place qu'est-ce que la réalité du travailleur en loisir en milieu rural. Puis après l'étude qu'ils ont fait auprès de différents intervenants, ils ont dit, OK, au Québec, on a vraiment quelque chose de spécial. Une personne sur quatre vient d'un milieu rural, habite en milieu rural. Puis la majorité, en fait, 91 % des municipalités du Québec sont de moins de 10 000 habitants. Donc, c'est vraiment une réalité qui est non pas juste de l'Estrie, mais qui est vraiment répartie partout, partout, partout au Québec. On se ramasse avec des grands territoires, peu de personnes, mais peu de personnes, peu de ressources aussi. Alors là, le milieu du loisir, qui est une jeune science, qui est une jeune approche, qu'on prend de plus en plus en crédibilité, il faut gagner le nerf de la guerre qui est avec l'argent, avec différentes ressources. Mais là, on se concentre sur qu'est-ce qui arrive en milieu rural. Donc là, il y a différentes réalités. Des historiques de village, l'identité qui est différente dans chacune des petites places, le nombre de la population qui est quand même bas, les gens qui ont des jeunes familles, du développement, mais ils n'ont pas les ressources. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on veut mettre en place quelque chose qui va les rassembler. Puis là, le loisir qui a été pris en crédibilité, autant dans les écoles, les centres communautaires, les festivals, les municipalités, qui fait ses preuves au niveau de la qualité de vie, au niveau du bien-être, au niveau du divertissement. Parce que à la base, quand on pense au loisir, on pense surtout à la récréation, on pense aux jeux, on pense aux activités, mais plus loin que ça, le loisir va beaucoup servir aussi en prévention et en guérison. Donc, en prévention, je dis que quand tu occupes ta population, ben, y a moins de chances qu'il décroche, il y a plus de chances qu'il y ait une appartenance, puis il y a moins de chances que tu aies des problématiques à gérer. Fait que là, tu peux agir en prévention, tu l'as aussi en divertissement dans les temps libres du monde, mais tu l'as aussi en guérison quand on parle qu'on peut se servir des loisirs, du sport ou autre, quand les gens, par exemple, sont blessés puis veulent réintégrer. Le meilleur exemple que j'ai, là, quelqu'un se blesse à la jambe, bien, il peut suivre la physio. Mais la physio peut se servir des activités comme du soccer ou du hockey pour dire, mais là, tu vas aller travailler tes muscles. Fait qu'on peut se servir vraiment du loisir en Patch prévention. Patch Adams, c'est la même chose. Donc, autant en prévention, en guérison, qu'en divertissement de tous les jours. Puis, une réalité qu'on a remarquée sur les travailleurs en loisir en milieu rural, c'est que, vu que c'est plus petit et qu'il y a moins de ressources, il y a aussi moins de travailleurs en loisir. Tu as souvent une personne qui s'occupe de plusieurs territoires, donc de plusieurs municipalités. Fait que la personne est séparée, fait qu'elle a moins de temps à chacune des municipalités. Puis en plus, vu qu'il y a moins de budget dans ces coins-là, mais c'est aussi que cette personne-là fait ça à temps partiel ou quasiment bénévolement. Donc, a d'autres travails, d'autres occupations, d'autres emplois en à côté. Mm-hmm. C'est pas nécessairement sa seule priorité. Alors, vient une difficulté à mettre en place un gros développement quand la personne n'a même pas le temps de le faire. Mm-hmm. Fait que ce qu'on a remarqué en milieu rural dernièrement, c'est qu'il y a des ressources qui ont été placées dans des municipalités un peu plus grosses qui séparaient leur temps en plusieurs petites municipalités. Puis une fois qu'ils avaient fait leur crédibilité, qu'ils avaient mis en place des activités et autres, puis que les gens voyaient les bienfaits que ça faisait, mais là, les gens étaient plus prêts à investir dans ce milieu-là. Fait qu'on voit vraiment un développement, une ébullition des travailleurs en loisirs en milieu rural. Sauf que reste que, vu que c'est un milieu qui a moins d'argent et tout, le travailleur en loisirs doit non seulement être créatif, parce qu'il doit, avec peu de ressources, mettre en place beaucoup de choses, innover et tout, mais il doit aussi être un leader dans ses communautés. Là, devant toi, là, t'as toute ta population, tous tes petits villageois qui ont d'autres choses à faire qu'à tes activités. Là. Ils ont leur travail, ils ont leurs enfants, ils ont leurs propres loisirs dans leur cours, dans leur temps libre, leur piscine et tout. Là, toi, tu dois les rassembler et leur faire comprendre qu'il faut mettre en place une appartenance de communauté. Fait que c'est vraiment, il faut que tu sois leader, il faut que tu sois rassembleur. Comme on a dit, il faut que tu sois créatif, il faut que tu amènes du nouveau parce que pourquoi ils sortiraient de chez eux et iraient à tes activités quand de nos jours, on a presque tout à portée de la main? Ouais, c'est pas facile d'implanter des nouvelles activités dans le quotidien de quelqu'un. Puis on le voit surtout dans des villages aussi quand ils ont vraiment leur tradition. Mettons, t'as la fête de la famille qui est à l'automne, t'as la Saint-Jean qui est à l'été. Ouais. Là, t'arrives avec une nouvelle activité en février et ils disent « Wow, wow, wow, non, mais nous, c'est pas dans notre horaire. » Fait qu'il faut que tu gagnes en crédibilité. Sauf qu'une des réalités dans les statistiques qui ressortit, c'est que ceux qui travaillent en milieu rural, la majorité, c'est des travailleurs en loisirs qui ont moins de 5 ans d'expérience. OK. Fait que là, t'as un jeune qui doit être crédible mais qui est dans ses premières années d'exploitation du domaine. Mm-hmm. Il a pas d'argent, mais il doit changer le monde. Puis en plus, il doit convaincre du monde qui sont convaincus que eux, leur quotidien, il va bien sans lui. Fait que c'est vraiment un gros défi. Mais s'il y a moins de 5 ans d'expérience, t'es encore un jeune, à quel moment est-ce que tu deviens un professionnel ou quelqu'un qui sait ce qu'il fait puis il sait où il s'en va? Ben en fait, t'es un professionnel en loisir officiel, ben, comme dans n'importe quel domaine. Dès que t'as tes diplômes, t'es considéré comme un professionnel. Maintenant, ce qui arrive, c'est au-delà du diplôme, est-ce que t'as fait d'autres choses avant qui te fait gagner en crédibilité? Est-ce que t'as des réalisations derrière la cravate qui dit « Je vous le dis que ça va marcher si on fait ça. Pourquoi on te croirait? » Fait que comme dans n'importe quel domaine, je pense qu'il faut que tu fasses tes preuves, mais contrairement, mettons, à la médecine, où est-ce que t'as pas opéré quelqu'un avant d'avoir terminé tes études, ben nous, il y a moyen de s'être impliqué dans sa communauté, d'avoir mis en place des projets, d'avoir gagné en crédibilité. Donc, on a les statistiques qui ressortaient, c'est que 56% des travailleurs en loisir... 48%. Presque 50. Mais c'est 48. Mais c'est moins 48. Qu'un sur deux. Donc, 48% des travailleurs en loisir en milieu rural, comme je disais, avaient moins de 5 ans d'expérience dans le domaine. T'en avais seulement le 3/4 qui étaient travailleurs à temps plein. Donc, je disais tantôt, il y en a beaucoup qui ont d'autres emplois en à côté. T'avais aussi 66% qui avaient une formation en loisir. Fait que t'en as qui ont même pas une formation dans notre domaine. Ce que je l'avais dit, c'est une jeune science aussi. Ça gagne en crédibilité. De plus en plus, on va professionnaliser ce rôle-là, puis on va demander à des gens compétents académiquement, si on veut, d'entrer en poste. Mais la base de notre domaine est commencée bénévolement dans notre historique. Parce que dans le temps, surtout dans les petits villages, c'est bénévolement que les gens s'impliquaient dans la communauté pour mettre en place la fête de la famille ou... c'est le don de soi pour le développement d'activités. Fait que là, c'est de gagner aussi la crédibilité de pourquoi on mettrait un salaire au bout de ça. Quand il y a 20 ans, il y a 30 ans, mon grand-père, ma grand-mère faisaient ça bénévolement avec l'Église puis avec la communauté. Oui, gratuitement aussi, à l'Église. Sûrement. Ça aussi, c'est vraiment un autre défi. Il y en a beaucoup aussi, ils disaient le 2/3 qui travaillent pour plus qu'une municipalité. Donc, à ce moment-là, ils divisent leur temps. On a 58% qui ont moins de 35 ans. Donc, pour la crédibilité aussi, faut que tu convainques des fois des populations vieillissantes, mais toi-même, t'as l'âge de leurs petits-enfants. Oui. Fait que ça, c'est un autre défi des fois, juste d'arriver puis d'être jeune, tu pars à moins 1000. Puis il y a une autre statistique qui est intéressante, c'est que 56, mais c'est pas tant intéressant pour les gens concernés, là. Mais 56%, ils gagnent moins de 35 000 par année. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a tellement peu de ressources que déjà, ils ont pas beaucoup de salaire. On veut attirer des experts, puis on veut qu'ils mettent en place quelque chose pour changer le monde, mais au final, eux-mêmes, est-ce qu'on les reconnaît à leur juste valeur? Fait que ça, c'était vraiment des statistiques qui représentaient les travailleurs en loisirs en milieu rural. Puis, est-ce que tu avais des questions? Ou à date, c'est clair? On va t'arrêter si on a des questions. Okay. Non, à date, ça va très bien. Puis comme je disais, ben, comme partout, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Fait que ces gens-là, ils doivent trouver des subventions, vraiment mettre en place le plus de choses possibles en étant à moitié présent sur place puis avec à moitié du budget, si on veut. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment leur réalité. Il y a eu deux événements qui ont eu lieu en avril passé, qui sont en fait des événements qui ont regroupé, encore une fois, des travailleurs en loisirs de partout. Donc, on a eu, je vais vous dire ça, le deuxième rendez-vous québécois du loisir en milieu rural. Donc, il y a rassemblé des travailleurs qui... On voulait savoir c'était quoi leur réalité, c'était quoi leur difficulté pour être capable de mettre en place des outils pour les aider, des ressources, des... Quelle subvention aller chercher, de pouvoir discuter entre eux, parce que souvent, on le dit, on a de la difficulté à en avoir un dans une municipalité. Fait quand lui, il y a des questions, vers qui il se retourne? De rassembler ces gens-là, ça leur a permis de discuter. Ça leur a permis de, en ébullition, donner des idées qui ont fonctionné par chez eux, des difficultés à ne pas essayer ou encore des ressources à fournir. Puis, on a eu aussi un deuxième événement qui est... Mais en fait, celui-là, il n'est pas passé. Il va avoir lieu à l'automne. Ça va être la première table provinciale du loisir rural qui découle avec l'Association québécoise du loisir municipal, qui découle de l'autre événement que je vous ai parlé qui a eu lieu en avril, mais sa première édition. Et on dit, ça serait le fun de faire ça. C'est de les re-rassembler à nouveau, mais cette fois-ci d'inclure tous les ministères, tous les gens qui ont les enveloppes budgétaires. Puis là, de leur montrer, voici leur réalité, voici leur réalisation. Est-ce qu'il y a moyen de les aider? Parce qu'on peut maintenant vous montrer c'est quoi les bienfaits dans la communauté de ces travailleurs en loisirs-là. Fait que ça, c'est deux événements qui sont marquants. Un qui est passé, un qui s'en vient dans quelques mois. Mm-hmm. Puis voilà, moi ça faisait le tour des statistiques puis de la réalité du travailleur en loisirs. Mais si je peux juste rajouter une petite conclusion, en fait. En fait, c'est deux conclusions. Il y en a... Oh! Un! T'as droit à une. Non, deux. Non, OK, deux. Non, c'est comme... Okay, la première demi. Point alternative, là, une télésérie. Bonus. C'est comme quand, l'histoire dont vous êtes le héros. Okay. Choisis ta conclusion. Option A. Option A. Si tu es un professionnel en loisirs en milieu rural... En fait, c'était un professionnel en loisirs qui cherche des défis. Le milieu rural est vraiment stimulant et vraiment intéressant parce que le fait, oui, t'as pas beaucoup d'argent, mais t'as une grosse liberté. C'est moins administratif que, par exemple, la ville de Montréal où est-ce qu'il y a beaucoup un aspect bureaucratique, administratif, qui fait que les étapes, des fois, par les syndicats des différents travailleurs, t'es comme bloqué dans ce que tu peux mettre en place. Donc, t'as une grande liberté, une grande autonomie, ta créativité peut être mise à l'épreuve. Puis c'est surtout aussi que vu que tu es tout seul dans le service des loisirs ou à peu près, tu vas toucher tous les aspects. Tu peux autant faire en planification, être sur le terrain avec les gens lorsque les événements ont lieu, que tu fais pas juste une phase dans un bureau, une phase d'animation. Mm-hmm. Tu fais vraiment la sphère entière, le projet de A à Z, de ton idée jusqu'à sa réalisation. Fait que ça, pour les professionnels en loisirs, c'est un défi stimulant. Mais l'expérience est beaucoup plus importante aussi. Exactement. Après, tu peux affronter n'importe quoi. Là. N'importe quoi. Puis, la deuxième conclusion, si vous n'étiez pas A, vous étiez B. Allez à la page 46. Allez, exactement. Ben, ma deuxième conclusion s'adresse dans le fond aux... Je dis aux villageois. Qui s'adresse... Aux village people. Aux village people. Non, mais il s'adresse aux participants des activités en loisirs. En fait, c'est de... Premièrement, on vous invite à participer aux activités qui sont offertes. Essayez de sortir de votre zone de confort quand il y a une nouvelle activité. Attendez avant de la juger puis de dire que ça fait pas partie de votre quotidien puis que vous viviez très bien sans elle. Essayez-la. Puis si vous l'aimez pas, mentionnez aux organisateurs ce que vous aimez pas pour qu'eux après puissent mettre en place des changements pour faire la différence. Parce que si vous aimez pas un petit aspect qui pourrait être changé, bien, vous pourriez être heureux l'année d'après à la deuxième édition de cet événement-là. Mm-hmm. Donc, ce serait de participer, de s'impliquer aussi dans les différentes décisions. Il y a souvent des comités aux événements, il y a des conseils municipaux et tout. Donc, si vous voulez avoir votre mot à dire pour faire une différence, impliquez-vous, puis soyez bénévole aussi sur le terrain si jamais vous avez un peu de temps à donner, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand on met la main à tâche, ben on réalise aussi que c'est pas toujours évident non plus, mais on a du fun. Puis d'encourager le développement, donc de permettre, je sais pas par quelle influence, dépendamment de vos différentes organisations, de voir à... OK, on pourrait essayer d'engager un professionnel en loisir là-dedans. On pourrait lui donner certains mandats. Parce que le loisir, comme je disais tantôt, a de plus en plus de crédibilité. On a vu de plus en plus ses bienfaits qui ont été établis puis reconnus. Donc, dans une communauté autant en prévention qu'en guérison, que juste en divertissement tout court, ça peut faire une différence. Donc, que tu sois un professionnel loisir ou un villageois. Un cow-boy. Ou un participant, un festivalier, un spectateur, un acteur. Bref, que tu participes ou que tu organises, le milieu rural est vraiment un milieu stimulant. Puis on voit beaucoup de jeunes familles s'établir là. Donc, il y a de quoi à mettre en place. Exact. Et ouvrez les yeux. T'sais, les gens disent des fois, oh, j'ai pas entendu parler de tel événement. Je serais allé, mais je n'ai pas entendu parler. Ouais, mais ouvre donc les yeux parce que souvent, c'est affiché à plein d'endroits puis tu fais juste pas regarder. T'sais. Oui, souvent, on se dit, oh, il y a rien. Hein? C'est parce que t'es peut-être pas assez ouvert d'esprit à toutes les petites choses qui se passent non plus. Exactement. Les tableaux, ils ont trop d'affiches. Ben, c'est ça. On oublie les publicités, c'est personne qui regarde ça. Donc, Marie-Laurence Audrey, on te retrouve pour une autre édition de Le Loisir, bien plus qu'un jeu. Exactement. On pourrait dire du, parce que de le, du loisir, bien plus qu'un jeu, oui. Si on veut. Hein? Marie-Laurence Audrey, on va parler de plein de choses ensemble tout au long de la session. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Tout à l'heure, il nous reste encore le poste d'écoute à faire. On a ça. Mais pour l'instant, en musique, on s'en va entendre une pièce inspirée par mon T-shirt, on va le dire. Hein? Ah, ben oui. Je sais pas pourquoi je m'en vais regarder sur la feuille. Regarde mon chess. Fait qu'on s'en va non, voir. Non, regarde pas trop longtemps. Non. Tu vas être aveuglé, tellement pâle. Quoi? C'est pas le soleil qui va refléter ça. Si tu regardes mon chess, parce que tellement pâle. J'ai la peau pâle. Tu sors pas beaucoup? Non. C'est le gag. Fait qu'on va aller écouter Rouge Pompier. C'est ça. Vers de terre. Aussi, vers de terre, ouais. C'est... Dans un nid de poule, j'suis comme un ver de terre. Wow, c'était bon, c'était Rouge Pompier et Vert de Terre sur le palmarès francophone. Vous écoutez un guide de l'utilisateur d'assemblage requis, Femme Tailleuse. Rah. Dans la deuxième heure de notre émission, encore plus de chroniques de la part de nos chroniqueuses de sexe féminin et encore moins de Mathieu Plante. Restez là, sinon je sors le fouet, là. C'est pas des blagues. Dans un guide de l'utilisateur d'assemblage requis, Femme Tailleuse, et c'est toujours pas moi qui ai choisi le nom. Je m'appelle Stéphanie Paradis, et Mathieu Plante m'a laissé en charge pour toute l'émission. Je tente de vous prouver comment une émission peut être améliorée lorsqu'elle est gérée par une femme qui sait ce qu'elle fait, contrairement à Mathieu Plante, qui prend toute la place. Mais ça, gardez ça pour vous, là. Alors aujourd'hui, je vous présente des chroniques proposées par des femmes. Justine Renaud, Alexandra Carignan, Marie-Laurence Audet et moi-même, Stéphanie Paradis. Ah, on a gardé Anne-Marie Gaussier aussi un peu. Oui, on la laisse plus sortir. Non, c'est ça, juste pour nous autres. Tellement fine. Alexandra Carignan est aussi très, très fine et elle va bien compléter notre quatuor ce matin. Ah, ça va être beau, cette féminitude qu'on a en studio. C'est une féminitude. Féminité. C'est à la boîte à musique d'Alex. Malaise. Bonjour Alexandra Carignan. Bon matin. Ça va bien? Ça va bien. Ça va correct. Tu t'es mis propre, un peu comme la pochette de ton album que tu nous présentes aujourd'hui, parce que la personne porte un veston, c'est un veston féminin. Donc, oui. Vraiment, que de féminité. Une vestonne. C'est une vestonne. Si on veut. Et oui, en fait, l'artiste que je vous présente aujourd'hui sur la pochette, elle a un beau veston couleur arc-en-ciel qu'elle porte d'ailleurs dans son premier vidéoclip que je vais vous parler, évidemment, puisqu'il contient plusieurs actrices et qu'il me fait vraiment rire. Alors, l'artiste que je vous présente aujourd'hui, en fait, dans la boîte à musique d'Alex, c'est Jenny Lewis, qui n'est pas une inconnue dans le monde de la musique, qui performe depuis plusieurs années, en fait. Elle a d'abord été connue en tant que la chanteuse du groupe Rilo Kiley. Ah, c'est elle, ça. Oui, tu connais ça, tu vraiment... Je connais, okay, Rilo Kiley, cool. Je connais. Je connaissais pas ça. J'ai vu dans un film aussi, elle jouait dans The Wizard, un film sur le Nintendo dans le temps. Effectivement, elle a joué dans The Wizard. Donc oui. Ben c'est cool. Alors, que ce soit. C'est elle. Donc, en fait, le groupe Rilo Kiley, c'était un groupe indie rock qui a vraiment connu ses airs là, au milieu des années début 2000, particulièrement en 2004 avec le CD More Adventurous, où est-ce que là, ils mettent vraiment leur marque comme leader indie rock de l'époque. Et là, en 2004, là, c'est quand même assez loin. Là, c'est pas les indies d'aujourd'hui. Là. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là aussi là, qu'ils arrêtent les espèces de masturbations musicales et qu'ils mettent un peu plus la voix de l'avant. Tu sais, des fois... J'aurais aimé que tu m'expliques un peu ce que tu veux dire par masturbation musicale. Ben, c'est la même... Comment expliquer ça? C'est lorsqu'un groupe trippe trop... Ben, c'est correct, en même temps, tu sais, je veux dire, il y en a qui sont bons là-dedans. C'est comme la masturbation intellectuelle. C'est de parler pour toi. Tu fais de la musique pour ton propre intérêt. Ah oui, tu as le droit, en fait, tu as le droit, c'est correct. Mais des fois, ça devient trop... Ben moi, c'est ce que je reproche souvent au indie psychédélique un peu. Oui. De trop partir sur une chire. C'est hermétique un peu. C'est pas très accessible pour le public, mettons. Exactement. Okay. Et là, à partir de ce moment-là, bon, je suis sortie de l'eau. Parenthèse, ouais, c'est ça. Ouais, tu l'as eu. Donc, à partir de ce moment-là, ils mettent vraiment plus la voix de Jenny Lewis de l'avant. Et là, ça fait un tollé. Pitchfork dit que More Adventurous est un des meilleurs albums de l'année. Wow. Alors, quand même, là. Et The AV Club aussi, qui est un grand site de critique. Alors, déjà, on met sa marque. Mais, Madame aime quand même son plaisir personnel et décide, en 2008, de faire un album solo. Donc, Acid Tongue, qui est très bien reçu. Mais elle est encore là, dans le groupe de Rilo Kiley. Donc, ne peut pas vraiment faire la suite tout de suite. Elle va aussi... Elle a 2000 projets. Donc, là, on dit hello Rilo Kiley. Elle a sorti son premier album solo et décide en plus de partir le band qui s'appelle Jenny and Johnny, qui est un groupe de elle avec son copain Jonathan Rice. Ils sortent leur album en 2010, I'm Having Fun Now. Et là, tout ce que je vous dis, ça a eu des bonnes critiques. C'est vraiment une personne qui fait des bonnes choses. Alors, il n'y a rien là-dedans qui est un creux, tout est bon. Mais là, Rilo Kiley se... dissous. Ah, ça a calé, comme on dit. Le bateau a calé! Et de un, non? Au moins une bonne blague aujourd'hui? Oui. Merci. Oui. Ok, ça, c'était la bonne blague? Le souligner. Ben, le reste, c'était vraiment, vraiment de la merde. J'ai pas. Écoute pas Balado, Alex. Non. Je ferai pas ça dans ce cas-là. Il est 9h, il est correct pour le okay. Et donc, c'est ça. En 2013, le groupe est split up. Et on attend l'album patiemment. Il faut dire qu'on attend encore son album solo, même si Rilo Kiley n'existe plus. Mais là, elle perd son père entre-temps. Donc, finalement, en 2014, The Voyager arrive. Et là, on l'attend depuis longtemps. Ça fait 5 ans qu'elle n'a pas sorti d'album solo. Donc, elle a vraiment travaillé dessus. Et c'est un petit bijou. Il a sorti assez récemment. En fait, à la fin, début, mi-août. début août. Et moi, je ne connaissais pas ça, de base. Jenny Lewis, je ne connaissais pas ça. Alors que j'arrive dans mon magasin disquaire préféré. Bon, il y en a juste un à Trois-Rivières, on va savoir lequel. Et le gars là-bas qui travaille, Simon Potvin, je le salue, est une bible musicale. Et quand je lui demande le CD de Jenny Lewis, il me regarde et il fait « Oh mon Dieu, t'aimes des bonnes choses, finalement. » Oui, parce que t'arrives là-dedans avec d'autres choix. Ouais, d'autres choix. D'autres choix. On a déjà parlé, on n'en parlera pas. Ben non. C'est pas grave, justement, je peux en parler. Ok, on va parler de One Direction. Oui. Alors, non, c'est pas vrai. Elle l'a dit. Pour une fois, c'est pas David Ferron qui fait une pin là-dessus. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas co-animé avec, donc faut que je me pine moi-même. C'est ça. Alors, Jenny Lewis est vraiment là, quelque chose qui est encensé de partout. Son album The Voyager est quand même... c'est un drôle de style. Faut la connaître. Moi, je la connaissais pas. La première écoute a été quand même particulière parce qu'elle passe tellement dans des styles différents. C'est bien fait. Les paroles sont vraiment bonnes. Elle a une voix qui est average, mais parfaite average. Donc, un bon average. Et elle passe souvent là, d'une espèce de petite pop folk... Souvent, et là, elle descend au psychédélique, c'est assez particulier, mais toujours entraînant. Alors là, je vous en parle. On va aller l'écouter. Alors, on va aller écouter la première chanson qui va vous faire penser un petit peu à Fleetwood Mac, si certains en ont la connaissance. Mm-hmm. Donc, de l'espèce de pop 70s. Alors, sans plus tarder, on va aller écouter Head Underwater. I've been wearing all black since the day it started. When I stopped and looked back as my mind departed, I've been losing sleep and I cannot sit still. I'm not the same woman that you were used to. There's a little bit of sand left in the hourglass. There's a little bit of magic, everybody has it. There's a little bit of sand left in the hourglass. There's a little bit of magic, guess it. There's a little bit of fight left in me yet. I put my head underwater, baby. I held my breath until it passed. Crossed my fingers and concentrated. I closed my eyes and I was free at last. C'était Head Underwater de Jenny Lewis. Donc, vous voyez l'espèce de petit pop 70s, oui. Là, que... Donc, c'est très, très bon. C'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de chansons qui ressemblent à ça, une espèce d'un upbeat funny, particulièrement She's Not Me et You Can Outrun Them. Donc, on a cette petite easy listening qu'on a dans les chansons. Et il y en a, et là, je vais faire, ben, pas tout de suite, mais la prochaine, là, Just One of the Guys, qui ressemble un petit peu plus à de la pop psychédélique. Et pour vrai, là, je me suis demandé si j'allais mettre Head Underwater avec Just One of the Guys, parce qu'on dirait que c'est complètement une autre interprète. C'est pour ça qu'il faut parler entre les deux. C'est pour ça. Et c'est, en fait, moi, c'est cette chanson-là que j'ai entendue en premier, parce que j'ai vu le clip. Et le clip a quand même fait sensation sur les interwebs. Ça a créé le buzz. Ça a créé le buzz. Du coup, ça crée le buzz. Du coup, hein, ça a fait le buzz. Parce qu'il y a dans le vidéoclip de la chanson, plusieurs actrices bien connues qui sont déguisées en garçons. Oh! Oui. Alors, on parle quand même de Brie Larson, on parle de Kristen Stewart et aussi de Anne Hathaway. Hein? Oui, qui sont déguisées en garçon, ainsi que Jenny Lewis. Et d'ailleurs, je vais dire que je trouve que c'est le meilleur rôle de Kristen Stewart. Elle est tellement bonne en garçon. Elle n'a pas l'air bête. C'est mon préféré. Ben, okay. C'est mon garçon préféré, ouais. Dans le vidéoclip. Là, tellement je la trouve... parfaite. Elle plate en mousse d'habitude, c'est fait que c'est un rôle de composition. Ben c'est ça. Ouais. Puis je lisais dans les commentaires YouTube, il fallait bien qu'elle se déguise en gars pour prouver qu'elle est une bonne actrice. C'est vraiment là, c'est vraiment un beau clip. Ben c'est un drôle de clip. C'est une chanson très très triste parce que c'est l'histoire d'une fille qui, tu sais, elle essaie tellement d'être parmi les garçons, mais elle se rend compte que dans le fond, elle est juste une fille, pas d'enfant. Tu sais, ça paraît que ça vient du cœur, cette chanson-là, particulièrement de Jenny Lewis, qui n'a pas d'enfant, donc qui se tient beaucoup avec des garçons. C'est quand même une chanteuse de groupe indie rock. Mais encore là, c'est ça, là, le vidéoclip, moi, c'est ça que j'ai entendu en premier. La chanson est très catchy, mais pas autant que Head Underwater, qui est vraiment upbeat. Celle-ci va aller vers le pop psychédélique. La voix est plus lointaine, les beats sont plus lents, mais c'est tout aussi bon. Fait que c'est ça qui est intéressant, là. On voit vraiment un éventail musical sur ce CD-là. Alors, on va aller écouter, sans plus tarder, Just One of the Guys de Jenny Lewis. Dans la boîte de musique d'Alex. If I get caught being rude in a conversation. C'était Just One of the Guys de Ginny Lewis, qui était ma découverte musicale donc dans la boîte à chansons d'Alex cette semaine. Fait que là, c'est plus boîte à musique, c'est une boîte à chansons? Boîte de nuit. Boîte de nuit. Bon choix encore. Merci. Mais toujours, tu trouves quelque chose, un petit bijou, une petite perle. Ah, ben celle-là, je l'aime beaucoup. Ah, c'était vraiment bon. J'ai adoré ça. Ouais. Elle l'a dit. Justine Renaud est avec nous en studio. Hey, bonjour, bon matin. C'est elle qui claque des doigts et tape des mains? Ou claque des mains et tape des doigts? Des orteils. Tape des doigts, c'est moi. Tape ses joues. OK. C'est, ça, c'était ses fesses. Ça sonne creux, c'est pas normal. Donc, Justine Renaud qui est là tous les jeudis pour sa chronique. Justine Pertine. Salut Justine Renaud. Bonjour Mathieu Plante. Cela va? Cela va très bien. Oui, j'ai réussi à boire de ton café ou t'as juste fait semblant de te mettre tes lèvres contre? Non, mais j'ai perçu le goût par mon nez. D'accord. En le respirant. J'ai humé mon café. D'accord. Donc, t'es là pour nous parler de science et de musique mélangées ensemble. C'est la fusion entre les deux. Musico-scientifique, scientifico-musical. Scientifico-musical. Alors, c'est en ce moment où je deviens pertinente. Ça arrive à peu près une fois par semaine et c'est à ma chronique et pourquoi Justine Pertine, voilà. Et donc, c'est la chronique où je vous explique les phénomènes de la nature et que j'accompagne de musique. Donc, ma chronique en fin de session. Et donc... en fin de session. La session. Ben, je voulais pas utiliser le terme chronique deux fois. Dans segment. La même phrase. Dans la fin de du segment. Bloc. Parce que session, pour un étudiant, ça veut vraiment dire le moment où tu paniques et que tu dors pas pendant 48 heures de suite. Stresse pas le monde avec ça. Il n'y a pas d'examen à la fin de ta chronique. Là. Non, il n'y a pas d'examen. On apprend les choses, mais c'est juste ouvrir vos cerveaux. Exactement. Mais je pourrais en mettre un examen. La dernière fois. Gynécologique, par contre. Oui. On va voir si vous vous souvenez, ma chronique la dernière fois portait sur. Les ouragans. Les ouragans. Mais aussi les typhons, les cyclones. Puis il y avait trois types. Et là, vous les avez nommés. Puis, admettons, des typhons, ça se passe où? En Asie. Oui, parce que je me suis toujours demandé pourquoi c'est juste les Asiatiques qui souffrent de typhons. C'est juste eux qui le méritent. Oui, les typhons étant... C'est pas une maladie, ça? Oh, c'est ça, c'est le typhus. La grippe typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est pas une grippe, maudite merde. Mais c'est beau, mais ça doit passer qu'on... à la grippe quand c'est la fièvre. Vous savez qu'on a une émission après nous, donc on doit passer on a une émission après nous. On la voit, elle essaie de pousser là, par la porte, là, ça va pas bien. Mais cette semaine, on va parler de ce qu'on voit dehors en ce moment, c'est-à-dire les feuilles multicolores dans les arbres. OK, moi, je voyais juste de la brique. Et un rideau. On peut se demander pourquoi la brique change de couleur en automne. Donc, on parle d'automne cette semaine. L'automne qui est une de mes saisons préférées. Une il y en a juste quatre. Ouais, c'est dans le top 4, ouais. Tout le monde J'aime beaucoup, beaucoup l'automne. Je préfère l'automne au printemps. Le printemps, je trouve ça pue quand tu s'endors. Le printemps, c'est trop slocheux, boiteux. Ouais, ça vient avec des liquides qui puent. Et l'automne, à l'inverse, c'est même quand il pleut, après ça, le lendemain, il me semble que c'est sec. Hein? Ça reste pas humide longtemps. C'est comme le printemps, la misère à se ramasser. C'est paisible, l'automne, je trouve. C'est paisible. C'est réconfortant. Oui, oui. Mais saviez-vous que, bien sûr, probablement que la majorité d'entre vous le savaient déjà, dans l'hémisphère nord, l'automne se situe entre le troisième et le dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire entre l'été et l'hiver. Mais pour ceux qui sont de l'hémisphère sud, ils se situent entre le premier et le deuxième trimestre de l'année. Ça veut dire... l'envers. Et présentement, voilà. Eux autres, c'est la fin de l'hiver ou de la fin de l'été. Exactement. Donc, le printemps. Eux autres, là, le printemps viennent d'arriver. Oui. Donc, l'équinoxe, qu'on ne peut pas dire qu'elle est automnale ou printanière parce que, justement, dépendamment de quel hémisphère on est, on ne peut pas l'appeler, on peut pas vraiment y donner une nomenclature spécifique. Fait qu'on va juste l'appeler l'équinoxe hein, pour ne pas faire aucune discrimination envers ceux qui viennent de l'hémisphère sud. Les sudistes, comme on les appelle. Donc, et voilà, c'est pourquoi je vais juste appeler ça l'équinoxe. Mais en fait, c'est quoi l'équinoxe? Bref, de même. L'équinoxe, savez-vous c'est quoi? Je l'ai déjà cherché sur Wikipédia. Je sais que c'est comme le pendant inverse du solstice. Oui, exactement. Donc, je pourrais pas t'expliquer plus en précision car... Je sais pas. Hein? C'est pas grave. Si je vous donne une définition ben astronomique et scientifique, essentiellement, l'équinoxe est un instant de l'année il y en a deux de ces instants-là, où le soleil traverse le plan équatorial terrestre. Hein? Oh ouais. C'est un moment où on change d'hémisphère céleste, au même moment où c'est le même principe que quand on change d'hémisphère céleste au solstice. Okay? Fait qu'on a deux solstices et deux équinoxes. Et les équinoxes, c'est les moments où, si on traçait une ligne entre le soleil et où la Terre est censée être en hiver, puis le soleil et où la Terre est censée être en été. Donc, une ligne entre le solstice, le soleil et le solstice, ça fait une ligne droite. Si on passait une ligne perpendiculaire, donc qui fait un angle de 90 degrés au travers du soleil, on obtiendrait de part et d'autre du soleil les deux, la ligne d'équinoxe et donc les deux points d'équinoxe. Ah. Et ces deux points d'équinoxe-là, là, il faudrait quasiment que je vous le trace, mais essentiellement, ça fait une croix. Et c'est au moment de ces deux points d'équinoxe-là qu'on a soit le printemps, soit l'automne. Et ces points-là, essentiellement, se retrouvent entre le 19 et le 21 mars. Et entre le 22 et le 23 septembre, puis là, on est le 25 septembre, si je ne me trompe pas. Donc, ça, oui. On est juste un petit peu à peu près l'équinoxe, le deuxième équinoxe, c'est-à-dire dans notre cas à nous, à l'hémisphère nord, l'équinoxe d'automne. Mmh. Et c'est aussi au moment de l'année, parce que si vous savez, au solstice d'hiver, on est l'hémisphère sud est complètement... est au zénith de son éclairation de son éclairage par le soleil, tandis qu'au solstice d'été, pour nous autres, notre été à nous, on est complètement éclairé par le soleil. Donc, au moment du solstice de l'été, on est le plus éclairé. Sauf qu'aux équinoxes, c'est complètement l'inverse qui se produit. On est chacun moitié-moitié éclairé. Donc, si on pouvait dire, on a à peu près chacun 12 heures d'éclairage chaque. Et c'est au moment où ce que le soleil va briller le plus au niveau de l'équateur, avec va donner le plus de lumière à l'équateur. Non, pas plus en haut ni plus en bas. C'est fair pour tout le monde. C'est le moment de l'année où ce que le soleil est juste. Hein? Et qu'est-ce qui arrive avec ça, en fait, au moment où ce que on atteint cet équinoxe-là? Les arbres à feuilles caduques, hein? Oui, caduques, qu'on entend tellement trop souvent dans les assemblées étudiantes et des autres assemblées. Moi, on entend ça là, plus souvent qu'à propos d'arbres. Oui, c'est ça. Donc, les arbres à feuilles caduques se préparent à passer en dormance pour l'hiver. C'est à ce moment-là que les arbres se munissent de tous leurs plus beaux feuillages et de leurs plus belles robes rouges et jaunes et oranges. Moi, je pensais que c'est parce que c'était la période du rut, fait qu'ils prenaient des couleurs pour séduire les arbres femelles. Tabarouette. Et on est, en ce moment-là, on est juste avant la production des bourgeons lors de la montée de sève au printemps. Donc, on est à l'automne et l'arbre doit tomber en dormance. Et pour tomber en dormance, elle doit se débarrasser de toutes ses feuilles. Mais juste avant que ceci se produise, on a la perte de la coloration des feuilles vertes qui vont transformer en couleur. Puis comment ça se produit essentiellement? C'est qu'à la fin de l'été, on a moins de lumière et la chlorophylle qui est là constamment a besoin de lumière pour se régénérer. Parce que la chlorophylle, c'est un pigment qui est responsable, dans le fond, de la fabrication du sucre pour les plantes, elle est essentielle. Elle utilise, dans le fond, le dioxyde de carbone de l'air ainsi que la lumière pour fabriquer du glucose, dont C6H12O6. Et on est rendu loin là, dans la chimie. Réveillez-vous un matin, moi, j'ai pris un café. Suivez-moi. Elle a juste sniffé. Donc, la chlorophylle va se dégrader toujours au même rythme, mais parce que le soleil, il y en a moins, et donc la plante est moins capable de fabriquer de chlorophylle, il va y avoir de moins en moins de chlorophylle. Elle ne sera pas capable de compenser pour la dégradation de la chlorophylle. Mmh. Sauf que ce n'est pas tout. Pendant tout ce temps-là, il y avait les caroténoïdes. Oh, les petites coquines! Donc, les caroténoïdes qui sont d'autres pigments qui sont toujours, toujours présents dans la plante et qui n'ont pas besoin de lumière pour se régénérer. Et eux étaient là en dormance en dessous puis étaient comme, mon maudit, quand tu vas disparaître, m'a apparaître. Parce que le vert est très, très omniprésent. Mais quand le vert commence à dégringoler puis qu'il y a moins en moins de chlorophylle, les caroténoïdes sont comme, je suis là! Et commencent à montrer leur belle couleur jaune-orange. Par la suite, à cause qu'il y a un blocage au niveau des nervures des feuilles, donc à la fin de l'été, on commence à la sève monte et la sève vient bloquer l'ouverture du trou qui permet, dans le fond, l'apport de nutriments et d'eau aux feuilles. Il y a blocage à ce niveau-là et là, c'est les anthocyanines qui vont commencer à être fabriquées et elles sont plus responsables pour les couleurs plus foncées, rouge foncé, brunâtre aussi, avec d'autres flavanols, flavanoïdes et et des tanins qui vont aussi être produits par les feuilles pour donner tout l'éventail multicoloré que les feuilles nous offrent à l'automne. Et sur ce beau poème de comment est-ce que ça fonctionne, maudit l'automne, on va vous mettre Toune d'automne des Cowboys Fringants. Hein, la toune. C'est ma préférée. C'est ta préférée? Tu vas l'écouter pareil. Sarcastique, Stéphanie. Oh, que c'est beau l'automne. Comment ça va, ma petite sœur? Viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose. C'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau frère de l'Alberta. Ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là tu restes à maison pour de bon. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Ici, y a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Mais tu me connais, je suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait près de la peine. De toi partir, ma mignonne. J'ai vu Simon le mois passé. Ça avait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser. C'est un bon body. Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur? Ou ben si t'as pris le dessus? C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne.

Elephant Stone et Motherless Child, entre parenthèses, Love's Not For War. Voici la chronique La boîte à musique d'Alex. C'est Alexandra Carignan, notre ami mi de pain. Allô. Beau, allô, ça va? M'accueillir avec un jeu de mots. Oui, on a des croûtes à manger pour les jeux de mots, je pense. Hein? Ah, croûte, ouais. Croûte, pain. Ça finira jamais. Hein. C'est plein de bonnes blagues. pain et pompon, c'est le pain pompier. Donc, Alexandra Carignan, c'est la boîte à musique. Tu nous fais découvrir de la musique. Eh oui, je vous fais découvrir de la musique. Donc, une petite découverte musicale chaque semaine. Et cette semaine, je vais pour la première fois vers le Québec. Puisque je vous avais toujours par, il n'y a pas de raison, en fait, seulement par les choses que j'écoutais. C'était majoritairement anglophone. Et là, j'ai fait, là, je pense que je serais temps pour quelque chose de québécois. Mais il faut dire que le défi est quand même assez grand puisque c'est une radio universitaire et émergente. Alors, tout ce que je pensais, vous le passiez déjà. Ben oui. Mais il y a quelque chose que vous ne passiez pas, à ma connaissance du moins. Et c'est Sarah Toussaint-Léveillé. Non, t'as raison, on joue pas du Sarah Toussaint Léveillé jusqu'à maintenant. Moi, en tout cas, je n'ai pas entendu énormément. Mais il faut dire que c'est une artiste qui est assez particulière puisqu'elle n'a pas vraiment le rythme business qu'on a aujourd'hui, en fait. Donc, souvent, quand on sort un CD, il y a un vidéoclip qui est juste avant ou juste après pour faire la promotion de la chose. Sarah Toussaint Léveillé, elle, lui, il va vraiment au gré de ses propres envies. Au feeling. Elle a sorti son premier album en 2012, donc ça fait quand même 2 ans. Et son premier vidéoclip est sorti il y a de cela quelques semaines. En fait, au mois de septembre. Alors, on peut faire... Oh, OK. Et elle-même le dit, là, je sais que d'habitude, ça marche pas de même, là, mais c'est qu'elle, elle tenait absolument à faire son vidéoclip elle-même. Ah, ben oui. Donc, elle scénarisait, elle dit, pour moi, les vidéoclips, c'est un moyen de faire un mini court-métrage. Alors, j'ai voulu le faire moi-même, pas le commander à quelqu'un, puis de le mettre sur ma chanson, là. Elle dit, je voulais que vraiment que ce soit ma création. Alors, elle a pris tout le temps pour faire ça. Et elle a dit, bon, ben voilà mon premier vidéoclip. Donc, un peu, elle va vraiment avec son propre gré. Elle n'a pas encore fait de deuxième album. Elle est en train de le créer, mais encore une fois, tu sais, ça va dépendre de... Prends ça relax. Ouais. Prends ça relax, mais il faut dire qu'en ce moment, elle est en tournée. Elle a quand même remporté là, le prix des diffuseurs européens au festival Rideau 2014. Donc, quand même. Et là, elle est en tournée à travers le Québec. Donc, vous allez pouvoir la voir au mois de février à la salle Louis-Philippe Poisson, si ça vous tente. Artiste québécoise qui est en fait la fille de François Léveillé. Ah, ça, ah, l'humoriste, ça, hein? L'humoriste, okay. Oui, c'est que pas, ma maman aime bien. C'est pas le fils, là, tu sais, c'est pas la fille de choses, là, Robbie Toussaint Léveillé. Robbie Toussaint Léveillé, c'est le célèbre... C'est une joke de sirop. J'ai tellement pas... Une joke de sirop, hein? Le référent. Robbie Toussaint, non? Robbie Toussaint. Robbie Toussaint Le Léveillé. Sirop. Ouais. Ouais, mais ça... T'es aussi lente qu'elle! Vous aussi... faites seulement me répéter! Robbie Toussaint, le sirop. Le sirop, Robbie Toussaint. Le sirop. C'est quoi? En tout cas, correct, si tu connais correct. Pas le sirop Robbie Toussaint, c'est parce que t'as pas été assez malade. Fait que laisse-moi t'arranger ça en te crachant en face. Waouh, c'est agressif, hein? Wow, pas pire, hein? Pas pire. Je vais te dire en toussant en face, mais ça aurait été trop facile comme jeu de mots avec Toussaint Léveillé. Tout ça pour dire que c'est tout la fille. Pour dire. Tout ça pour dire que c'est la fille de François Léveillé. Donc, mais elle ne voulait pas être connue comme étant la fille d'un grand humoriste. Et elle s'en est quand même assez détachée, sauf de la face, parce que quand on la voit, on fait ben oui. Qu'est-ce que c'est pas détachée de la face? Fait, je vais aller voir ça. C'est ça. Tu fais hop, là, ben quand tu le sais, tu fais ben oui, c'est tellement les mêmes yeux, ça n'a aucun rapport. Alors, écoutez. On va aller écouter une chanson. Elle a une poésie qui est quand même assez... qui est très présente. Moi, j'adore les paroles, la manière qu'elle fistole tout cela. Elle a une très belle voix qui est assez particulière. C'est pas une voix qu'on entend partout. C'est vraiment du auteur, compositeur, interprète, très poète. J'adore la manière qu'elle amène ses chansons. Alors, on va l'écouter la première chanson de Sarah Toussaint-Léveillé, qui est « La Mâle lunée ». C'est Sarah All Breasts Woke Up. Ah, c'est un âge qui réfléchissait à cette blague-là. Ça fait. All Breasts Woke Up. Toussaint. Arrêtez de penser, finalement. Ouais, finalement. possédée d'une fièvre vive. La mâle lunée déchire sa laine. Les troupeaux d'ombre qui la suivent jusqu'au talon d'Achille, qu'à cela ne tienne. Elle a froid, oh elle a chaud, la belle âme lunée. Oh elle a froid, oh elle a chaud, la belle âme lunée. À l'horizon, ils éclairent ses lumignons. Elle veut rattraper ses voix claires à l'unisson. Mais 4 temps en arrière, elle perd le souffle. Mais 4 temps en arrière, elle perd le souffle. Y'a rien à faire. Savoir m'exprimer, mieux n'être maman dans un champ de presse et courir comme les autres. Mais la paresse l'emporte sur ma sagesse, je ne dérange personne. Mais l'on dit que je déconne un peu trop ma vie. La liberté de l'un dérange les pas sérieux des autres. La liberté dérange, mais je n'assume pas cette faute. Sur ma calèche de voyageuse mal achevée, je décore de flammèche mes histoires entartées. Convertie aux fantasmes et aux hallucinations, la musique chapeaute ma carapace de fer. Peu importe si je brûle en enfer, mes croyances sont aussi fortes que les mots que l'on enterre. Sous la peau des pseudo-musiciens qui jouent de notes et ainsi font, font, font, font la cadence canotier avant matelot. On abandonne la qualité pour faire des sous avec des sons, des sous avec des sons. Des solistes qui ne tiennent pas la route sans trop manger leur croûte. Ils en viennent à se jouer de vous, se jouer de nous et par-dessus tout clouer leurs atouts au plancher. À force de ne plus avancer, à force de ne plus avancer, à force de ne plus avancer, mais avancer plus rapidement que la mâle lunée. Où est les mâles lunées? Où est les mâles lunées? Oh, oh, oh, oh. Va te faire foutre si tu ne veux rien. dans un coin de l'Europe. Et je l'ai plaqué au galop. Mais quelle salope. J'suis parti, parti, parti, parti. Fini, tout est fini. Reste plus qu'à goûter, cracher. Va te faire foutre si tu veux pas comprendre. Va te faire foutre si tu ne veux rien entendre. Et moi je m'en fous de toi et de tout tes tralala. S'il y a bien une seule et unique chose que je regrette, c'est que comme ma plume bah elle craint, j'aurais bien épousé le poète. Grand, juste que c'est différent et on est différent. Après, on apprivoise notre respiration après avoir tenté celle des autres. On porte ses jambes pour marcher, courir, séduire, faire la peau sur une façade du monde puis repartir. Ici je fais la pause trop longtemps. Ouais. Ici où les rues sont bandées de nombreux ambulants et je croyais. Et je me suis permis à tête à tête avec l'envie. Et tu bouges beaucoup et parles plus que tu ne penses. Les mêmes gestes répétitifs, un, deux, un, deux, jusqu'en outrance. C'est la routine. Elle me grignote les bottines. Est venu le temps sans s'attirer les sabots. Est venu le temps. Si tu veux pas comprendre, il va te faire foutre. Si tu ne veux rien entendre, mais moi je m'en fous de toi et de tout tes tralala. S'il y a bien une seule et unique chose que je regrette, c'est que comme ma plume, bah elle craint, j'aurais bien épousé le poète. Et va te faire foutre si tu ne veux pas comprendre. Et va te faire foutre si tu ne veux rien entendre, mais moi je m'en fous de toi et de tout tes tralala. S'il y a bien une seule et unique chose que je regrette, c'est que comme ma plume bah elle craint, j'aurais bien épousé le poète. Hey! C'était La plume qui craint, Va te faire foutre de Sarah Toussaint-Léveillé. Hey. Et juste avant, on avait écouté La mal lunée. Donc, c'était pas mal ma découverte. En fait, la découverte que je vous propose cette semaine. Donc, comme vous allez pouvoir, comme vous avez vu, c'est une artiste qui joue bien avec les mots. Moi, je trouve qu'elle a vraiment une belle... en fait, une belle poésie dans ses mots. Mm-hmm. J'aime beaucoup sa voix, une espèce de semi-lyrique, là, mm-hmm. Mais très, très, très lyrique. Alors, si ça vous intéresse, elle sera en spectacle à la salle Louis-Philippe Poisson le 19 février prochain. Vous avez encore le temps d'y penser. Mais ça vaut la peine. Je suis certaine que ça va être bon. Sinon, vous pouvez aller voir son vidéoclip qu'elle a réalisé, qui est en stop-motion avec marionnette. Très, très beau. Ça a dû être long à faire à l'effet du stop-motion. Oui, c'est oui, oui. Mais elle voulait faire ça. C'est ça. C'est une artiste qui est très intègre. Je la trouve super intéressante. Elle prend son temps. Oui, c'est ça. Elle prend son temps puis elle fait ce qu'elle veut. Ce que je trouve vraiment très, très inspirant. Alors, Sarah Toussaint-Éveillé, c'était ma... C'était ma découverte de la semaine dans la boîte à musique d'Alex. Ta vedette. Voici une nouvelle chronique. Est-ce que tu veux la présenter toi-même? Le nom? Hein? Alors oui. Que je parte l'intro. C'est sa plus simple expression. C'est sa plus simple expression, la nouvelle chronique linguistique, si on veut, avec Stéphanie Paradis. De langue. Je reprends la langue dans ton oreille de David Ferron, vu que c'est fini. Il fallait qu'on parle de langue à quelque part. Exact. Et non, c'est la chronique sa plus simple expression. Qu'est-ce qu'on fait dans cette chronique-là? Eh bien, on va un peu démystifier, justement, certaines expressions qu'on utilise soit dans la vie de tous les jours ou rarement, mais qu'on sait quand même un peu c'est quoi, qu'on utilise, mais on sait pas trop d'où ça vient. Quand je traite de charogne, on veut savoir c'est quoi le charogne. C'est quoi une charogne? Admettons. Admettons. Mais ce sera pas ça, parce que je te traiterai pas de même. Ben non, voyons donc, t'as beaucoup trop de respect pour moi. Et de classe. Moi, c'est réciproque. Oui. Ouais, dans les insultes, c'est assez réciproque en effet. Donc, j'ai quand même une petite thématique pour les expressions. On va commencer avec les animaux. Non, oh, ça commence bien. Hein, ça commence bien. Ben oui, une charogne, ça doit être un animal. Ouais. J'ai fait mes recherches sur charogne. Oui, mais mort. Mort. Tu sais, c'est quoi une charogne? C'est un animal mort. Oui. Donc, on va commencer avec avoir des yeux de lynx. Comme Normand Brathwaite, je pense, hein, avait ça à Pimentfort. Oui, il pouvait compter, mesdames et messieurs. Donc, ça veut tout simplement dire avoir une excellente vue, un regard perçant. Et, par extension, ça peut vouloir dire aussi y voir clair dans les affaires ou dans le comportement des autres. Donc, y voir clair, donc oui, c'est avoir un regard perçant, mais pas juste de façon littérale, mais aussi de façon un peu figurée. Mm-hmm. Donc, l'histoire remonte à l'Antiquité grecque ou dans la mythologie. Dans la mythologie, c'est ça, c'était l'argonaute Lyncé qui accompagnait Jason à la conquête de la Toison d'or, qui avait des yeux lui permettant de voir à travers les nuages, jusqu'au fond de la mer ou même à travers les rochers et murs. Donc, c'est simplement la confusion entre le nom du compagnon de Jason et celui du félin qui, bien sûr, dans le langage populaire, a provoqué la création de l'expression. Donc, à l'origine, il n'y avait pas de lynx dans l'expression. C'était le gars qui s'appelait Lyncé. Ben, voyons qui donc. Qui voyait à travers les nuages. On a prêté un talent à l'animal, le lynx. Il n'y en a aucun talent. Tu viens de perdre ce que tu avais. T'es plus hot, là. Donc, on dit que, ben, en fait, le lynx est un animal très difficile à observer dans la nature parce qu'il détecte l'homme et se cache bien avant qu'il puisse s'en approcher. On se demande, est-ce parce qu'il aurait des yeux de lynx? Ah. On se le demande. Est-ce que ça a une meilleure vue qu'un autre animal? Peut-être pas, donc ça vient peut-être juste du nom. Et pour ceux qui se poseraient la question, lyncher n'a rien à voir avec lyncer. Donc, ce mot anglais vient d'un certain lynch ou lynch, je sais pas comment on le prononce. 5, 6, 7, 8, 18e siècle au Far West se serait désigné comme justicier sans avoir été chargé officiellement de quoi que ce soit. Donc, ça vient de quelqu'un d'autre, même si ça peut se ressembler un peu, entre autres, dans l'orthographe. Hein? Oui, c'est ça. Il y a un Y. L'Y-N-C-H. C'est ça. Donc, le Y vient fucker le chien. Et si on suit sur le fait que c'est les carottes qui donnent une bonne vision, ça devrait être les lapins qui ont une vue excellente. Donc là, on vient de mêler un autre animal là-dedans qui n'a rien à voir. T'sais. Mais je sais pas, on dirait qu'avoir des yeux de lapin, on dirait que c'est pas si glorieux que ça. Non, ce qu'il y a avant lapin, d'habitude, c'est pas mal plus crotte de lapin. Crotte de lapin? Oui. Non, je dirais comme un petit lapin. Oui. C'est ça. Garbade, évidemment, comme des lapins. C'est ça. Ouais. Donc, la prochaine expression qu'on va regarder, c'est être un ours mal léché. Qu'est-ce que ça veut dire être un ours mal léché? On a déjà entendu ça, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Parce qu'est-ce qu'un ours se lèche comme un chat se lave? Peut-être. Est-ce qu'il est mal léché, il n'a pas fait sa toilette? Peut-être. Mais pourquoi on utilise cette expression-là? Parce que tu me traites de gros. Donc, t'es comme un ours mal léché, c'est que tu me traites de gros, pas propre, c'est ça que tu fais. Hein? Donc, être un ours mal léché, ça veut dire fuir la société, être grossier et mal élevé. Est-ce que tu es un ours mal léché, Mathieu? Je me sens visé. Donc, l'expression a sa signification actuelle depuis le 18e siècle. Désolé, le même que tantôt, mais avec toujours des chiffres romains. Hein? C'est ça. Fait, faut juste que je fasse un petit calcul peu rapide. Donc, au 17e siècle, donc ça désignait un homme au physique ou au comportement grossier, puisqu'il était connu à l'époque que le bébé ours, né informe, était façonné par sa mère qui le léchait abondamment. Est-ce que tu savais ça? Ah, c'est cute, ça. En tout cas, ça a l'air cute. Imagine dans ma tête la vidéo d'une mère en train de lécher son ours. C'est peut-être super c'est dégueulasse, on ne sait pas. J'ai pas regardé les documentaires mais donc, à Télé-Québec. Un ours qui aurait été mal léché, ça serait un être grossier. Mal élevé par sa mère. Dans exactement. Ce ouais. Et aussi, l'ours étant un animal solitaire, c'est aussi celui qui fuit la société. Donc, être un ours mal léché. Intéressant. Ensuite, un froid de canard. Un froid de canard. On n'est pas rendu là encore, une chance. Un froid de canard, un canard, c'est sur l'eau. L'eau, quand elle est froide, peut-être qu'il grelotte du ventre. phoque. Juste devant. Juste devant. Mais il y a d'autres animaux qui vont sur l'eau. Donc, oui, ça veut dire qu'il fait tout simplement un très grand froid, un froid très vif. Pourquoi? Donc, cette expression viendrait de la chasse aux canards qui se pratique en automne, mais aussi en hiver où le chasseur doit rester immobile aux aguets et laisser le froid lui pénétrer jusqu'à l'os en attendant qu'une de ses pauvres victimes veuille bien s'approcher suffisamment pour qu'elle ait des chances de finir en confit ou autre préparation culinaire. Donc, on dit aussi que le canard, se chassant pendant une période assez longue, sur une partie de laquelle il ne fait forcément froid, il est nécessaire de préciser à quoi correspond ce froid de canard. Donc, le canard vit volontiers sur les lacs et étangs où il a ses habitudes une grande partie de l'année. Donc, l'étendue d'eau le protège en partie de ses prédateurs terrestres dont les humains font partie. Donc, lorsque la température devient très froide et que les étangs gèlent, bien, le canard est obligé de se déplacer et rejoindre les eaux vives, les ruisseaux et les rivières, donc qui sont moins sujets au gel, mais ça accentue sa mobilité, donc sa visibilité. Et ce serait donc dans ces jours de froid très vif que le chasseur aurait le plus de chances de rencontrer le canard. Donc, c'est vraiment le lien avec le canard et le froid où il est plus facile à chasser. Wow! Et son ventre, en effet, avait froid, j'avais raison. C'est ça, ben oui, parce que j'étais dans l'eau, donc il fallait que je change de place. Ensuite, tu sais, écoute, moi j'avais déjà entendu cette expression-là, mais j'avais vraiment aucune idée de ce que ça voulait dire. Enculer les mouches. Ouais. C'est sûr qu'on les voit. Est-ce qu'on les voit copuler les mouches souvent que ça? Il me semble qu'on les voit pas l'une sur l'autre. Hein? Ben, je sais pas, on dirait que c'est deux mouches ensemble qui tourbillonnent dans les airs. C'est pas deux mouches qui copulent? Peut-être. J'essayais de ne pas imaginer ça, en fait. Parce que maintenant, j'ai l'image dans la tête. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. Mais bon, enculer une mouche, c'est sûr qu'un humain ne peut pas faire ça, même s'il y a des fantasmes. Des fois, je suis sûr qu'il y a des fantasmes d'enculage de mouche. Peut-être quelqu'un de déguisé en mouche. Peut-être. Ouais, là, c'est bizarre. Ouais, ça devient en comme fait, kinky un peu. Là. Enculer les mouches, ça veut dire porter son attention sur des détails de peu d'importance et être extrêmement tatillon. Ma spécialité, donc. Donc... Oui, Mathieu Plante, tu es le genre à enculer les mouches. Ouh, mon fantasme. Donc, l'action suggérée ici pour que ça réussisse en dégâts et plus explosif et mortel pour la petite bête nécessite incontestablement une finesse d'exécution, une précision diabolique que seul un enculeur de mouches peut avoir. Donc, on dit l'expression se rapporte ici à des personnes qui poussent le bouchon. Pour peu qu'on puisse appeler bouchon ce qui sert l'action citée, il faudrait poser la question à une mouche. Donc, beaucoup trop loin dans leur souci excessif du détail, dans la précision. Donc, on sait pas vraiment d'où ça vient. Donc, mais il y a d'autres façons d'appeler ça. On appelle ça aussi un sodomiseur de diptères. Ah là, des synonymes, ouais. Hein? Est-ce vrai? On sait pas trop. J'ai jamais entendu ça, mais j'avoue que comme insulte, enculeur de mouche, ça vient quasiment atteindre l'enfoiré de merde et ouais, les expressions françaises, je trouve. Mais moi, je vois ça comme une qualité, quelqu'un qui encule les mouches. Et je parle ici au sens de bien travailler. Et c'est quand même très, très récent comme expression. Donc, ça vient de la première moitié du 20e siècle. Donc, c'est très récent. Oui. Ça, c'est facile à calculer, c'est deux gros X. Deux gros X. Ensuite... C'est comme les pattes des mouches en train de... Ouais. De voler. Voler. Ensemble, en duo. Ensuite, on parlait de lapin tantôt pour la vue du lapin. Maintenant, on parle de poser un lapin. Oh, prendre un lapin en photo, non. je t'ai posé un lapin. Poser un lapin, donc t'installes le lapin là, puis finalement, non. Parce que dans le fond, ça veut dire que tu laisses tomber quelqu'un, que tu te présentes pas au rendez-vous que t'as avec. Donc, c'est là, ça. Donc c'est faire attendre quelqu'un en n'allant pas au rendez-vous fixé. OK. Le lien avec le lapin, je comprends pas. Peut-être que la personne, tu voulais lui faire un cadeau d'un lapin, mais t'avais pas le temps de l'attendre, tu lui as laissé, donc la personne est laissée seule avec le lapin. Ça. Maintenant, ils prennent des photos l'un de l'autre. Tout nu, voilà. C'est ça. En fait, on dit que le poseur de lapin, ça a l'air de remonter quand même à loin. C'est un terme qui a existé, mon Dieu, c'était en 1889 qu'on aurait la première occurrence de cette expression-là. On dit que poser un lapin se disait bizarrement aussi brûler paillasse. Et c'est suite à cette pratique que les dames de petite vertu ont pris l'habitude de se faire payer d'avance leurs services. Donc, c'est un les hommes qui allaient voir des prostituées qui consommaient, mais payaient pas. Okay. Ils s'en allaient avant d'avoir payé. Ah, oh, wow! Donc, c'est pour ça qu'on parlait aussi brûlé paillasse et que les femmes faisaient payer à l'avance. Et pour le sens actuel de l'expression qui est apparu également à la même période, il est probable qu'il y ait eu un glissement d'une attente non comblée, donc celle du paiement, vers une autre attente également non comblée, donc celle de la personne attendue, puisque dans les deux cas, il s'agit d'un engagement qui n'est pas tenu et qui semblerait confirmer a posteriori l'édition de 1922 du Larousse universel. Donc, qui disait poser un lapin, par extension, ne pas tenir un engagement, une promesse. Donc, le premier sens était toujours de consommer sans payer. Ouais. Donc, il est possible que ce sens ait été influencé par une des significations de lapin au début du 5, 6, 7, 17e siècle. Donc, en effet, à cette période, lapin s'employait pour parler d'une histoire complètement inventée, une source de moquerie qui était parfois qualifiée de la forme suivante. Celle-là est de Garenne. Donc, faisant allusion à un lapin de Garenne, plus gros que le lapin ordinaire. Donc, lapin de Garenne, c'était plus gros, donc une histoire encore plus rocambolesque, si on veut. Donc, on peut imaginer que ce lapin-là a bondi de l'histoire. Quand t'as dit poseur de lapin tantôt, ça me donnait vraiment l'impression que c'est probablement sur la carte d'affaires d'un photographe chez Playboy. Ça. C'est un poseur de lapin, ça. Ouais. Les Playboy Bunnies. Ça. Ouais. Ouais. On pourrait leur vendre ça. Ouais. Parce que c'était nous autres, ça, maintenant. Oui, copyright. Ouais. Ensuite, fier comme un pou. Fier comme un pou, ça me rappelle le titre de la nouvelle émission sur une radio à Montréal. Tu sais, la Radio X a changé de nom à Montréal. C'est rendu Radio 9. Puis l'émission du midi par Caroline Proux, ça s'appelle Tête de Proux, tu sais, comme une figure de proue. Ça s'appelle Tête de Proux. C'est-tu mauvais, tu penses? Tu sais, au moins figure de proue, tu sais. Ça aurait sonné comme tête ça. Tête de proue, ça... Tête de proue, ça fait vraiment tête de poux. Je trouve que ça sonne vraiment, vraiment, vraiment mal. Donc, c'était quoi l'expression? Fier comme un poux. Fier comme un poux. Ben, t'es fier d'avoir trouvé ce titre-là pour Caroline Proux. Félicitations. Donc, ça veut dire être très orgueilleux. Oui. Mais pourquoi un poux? Un poux est-il orgueilleux? C'est fendant, un poux, c'est ça? Donc, en fait, on dit que le or poux, c'est une forme dialectale de l'ancien français... donc, pouille ou poule, venu du latin pullus, qui voulait dire coq ou poulet. Ah. OK? Et si on sait qu'un animal qui a une posture fière, c'est bien le coq. Ben oui. Donc, on parle pas vraiment de l'animal, le pou, mais plutôt du dialecte de l'ancien français qui signifie coq, tout simplement. C'est tout simple que ça, et ça nous donne un nouveau nom pour l'émission de Caroline Proux, ça va être « Fier comme un prou ». Mais comme fier une proue. Fier comme une proue. C'est le nouveau nom. OK. Ensuite. Je m'acharne. Ah ouais, c'est ça. Entre chien et loup. Entre chien et loup. Excellent téléroman, je pense. Dans les années. Excellent, peut-être pas. En tout cas, c'est sous la TV, ça avait des bonnes codes d'écoute. Dans ce temps-là, les codes d'écoute, qu'est-ce que ça veut dire que c'est excellent, hein? C'est ça? C'est ça. Gage de qualité. Donc, entre chien et loup, c'est à la tombée du jour. D'où ça vient? Donc, cette expression est très ancienne. Donc, en français, elle date du 13e siècle. Donc, ça remonte vraiment à très, très loin. Elle désigne la période de fin de journée où la clarté est telle qu'on a du mal à distinguer un chien d'un loup, tout simplement. Ah, ben oui, mais c'est sûr. La différence est, ouais, est où? Donc, on voyait un canin. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un loup? On le sait pas. Entre chien et loup. Ah, ouh! Ça, c'est le loup-garou du campus. C'est ça. Ensuite... Bailler aux corneilles. Bailler aux corneilles. Ouais. Évidemment, ça a sûrement rapport avec le chanteur, j'imagine. Corneille, oui. Je me demandais c'était qui le chanteur bailler. Bailler, bailler. Bailler, bailler, bailler, bailler, bailler, bailler. Non, je dirais que c'est tellement plate du corneille que tu te mets à bailler aux corneilles. Mais bailler aux corneilles, ça veut dire regarder en l'air et rester sans rien faire. Ah. Mais attention! Bailler, ce n'est pas bailler comme quand on cherche son air, ce n'est pas le même verbe. Ici, c'est bailler, B-A-Y-E-R. Comme un bailleur de fond, quasiment. En tout cas, j'imagine, on va voir. Écoute, bailler, tout simplement, ça veut dire avoir la bouche ouverte. Quand on est bouche bée... Ah! Comme là, c'est avoir... j'ai le menton à terre. Moi, ouais, c'est ça. Ouais. Ça veut dire avoir la bouche ouverte. Quant aux corneilles, au 16e siècle, elles désignaient des objets insignifiants, sans importance. Donc, ce terme pouvait aussi bien désigner l'oiseau. donc qui était présent en grande quantité à cette époque, que le fruit du cornouiller. Le cornouiller. Cornouiller. OK. Donc, ça pouvait être un des deux, mais ça désignait tout simplement des objets insignifiants. Donc, Bailly ou Corneille voulait tout simplement dire rester bouche ouverte, à regarder l'air, à regarder en l'air, à contempler ou désirer des choses sans intérêt. Donc, c'est être très passif. J'ai des gags d'animateurs de radio qui s'appellent Cournoyer, puis qu'il est insignifiant. Mais tu sais, je ne ferais pas ce genre de blague-là, parce que c'est pas bon. Ben non, on les apprécie tous quand même. T'sais. Mais ce serait une blague facile à faire. Faites comme si je l'avais fait. Riez-la. C'est ça. Tu sais, complétez-la, là, comme il faut dans votre tête, avec les mots dans le bon ordre. Trouvez-vous drôle. Ouais. Et dites-vous, mon Dieu, j'ai trouvé un bon gag. C'était grâce à Mathieu Plante. Ensuite, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La peau de l'ours, c'est le même ours mal léché que tantôt. Donc, c'est la mère qui vendrait son fils dans les échanges. Tu sais, là, le crime organisé d'échanges de corps, puis de viol, puis d'affaires de même. Donc, c'est vendre la peau de ton enfant ours avant d'avoir liché. Ça a tout rapport ensemble, ça. OK. Ouais. On va aller voir ça. Donc, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça veut dire tout simplement de se féliciter trop tôt d'un succès pas encore acquis. Et ou disposer trop vite d'une chose qu'on ne possède pas encore réellement. Par exemple, l'argent, peut-être. Le crédit, mettons, serait une bonne... Ouais. Donc, en fait, cette locution a été immortalisée par Jean de La Fontaine dans une de ses fables. Mais cette expression était déjà utilisée au Moyen-Âge. Donc, l'ours n'y étant pas toujours cité. Donc, on pouvait tout simplement dire « vendre la peau avant qu'on ait la bête ». Donc, l'ours n'était pas nécessairement... l'animal de prédilection pour cette expression. Mais ça s'est utilisé vraiment à toutes les sauces, donc n'importe quel animal, la bête en général. Mais l'expression n'a pas vraiment d'origine précise. Là. Donc, on ne sait pas qui a commencé ça, mais Jean de La Fontaine l'a immortalisé dans ses fables. Génial. Et ça me surprend qu'un restaurant qui a un ours comme mascotte n'ait pas utilisé ce slogan-là. T'sais, vendre la peau de l'ours, c'est quelque chose par rapport à « on te vend ». Des produits de fast-food, tu sais, IW style, genre. Il y a qui servait de l'ours, t'sais. Pour les expressions d'ours. Je sais pas, hein? Non, hein. Ouais. Ouais, un gag là, de lécher son burger. Ouais, c'est ça, genre, tu sais, comme un ours mal léché jusqu'à ce qu'il s'en léche les bouts des doigts, tu sais, comme PFK, genre, tu sais, bon jusqu'à s'en lécher les doigts. Jusqu'à s'en manger les doigts. Ouais, genre. Et finalement, dernière expression animalière. Mm-hmm. Reprendre du poil de la bête. Reprendre du poil de la bête, c'est quand tu trouves que tu manques de poils sur ton chest. Ouais. Donc, tu prends les poils d'un autre animal pour venir te greffer sur le chest. Tu prends la peau d'ours par terre. C'est ça, avant de l'avoir tué et mal léché ton chest par quelqu'un qui aime lécher les chests. Ouais, c'est ça. D'ours. Tout est connecté. Non, ça signifie... plus ou moins, aller mieux après avoir été très malade. Donc, reprendre l'avantage sur un adversaire après avoir été en situation de faiblesse. Donc, un peu des deux. À l'origine, cette expression avait un sens plus restreint parce qu'elle voulait dire chercher le remède dans ce qui a causé le mal ou chasser le mal par le mal. Donc, le feu par le feu, etc. C'est ça. Donc, c'était venu de la croyance répandue que les poils de la bête qui venaient de mordre permettaient de guérir la plaie. Donc, ça remonte à vraiment loin où on pensait que prendre du poil de l'ours qui t'a mordu, ça t'aidait à... Ça a pourtant tellement de sens. Hein? Ben oui, hein? on dit qu'en espagnol, en italien ou en anglais, il existe des expressions identiques, quasiment mot pour mot, que les Anglais appliquent, paraît-il, à la lettre lorsqu'il s'agit de reprendre une bonne rasade d'alcool pour chasser, la brosse de la veille et de préparer la suivante, donc avec reprendre le poil de la bête. Mm-hmm. Donc, c'est plus pour se remettre de lendemain de veille. C'est la même chose en italien, en espagnol et en anglais. Aïe, donc, ça n'a pas exactement le même sens peut-être qu'en français. Mm-hmm. Donc, reprendre du poil de la bête. Fascinant! C'est soigner ses plaies avec l'animal qui t'a causé cette plaie. Ouais. C'est un peu étrange, hein? Un chien te donne la rage, ben va l'embrasser. Puis, oui. Siphonne le reste de la bave qu'il y a sur le bord de la gueule. Hein? Bon. Un petit haut de cœur. Donc, on a appris plein de choses dans cette chronique-là. On va faire sa plus simple expression toutes les semaines. Ben oui. Dans une case horaire d'assemblage requis, que ça donne qu'on peut le faire, là. C'est ça. Voilà, suivez-nous. Tous les jours. Ben oui, si vous voulez pas le manquer. Tu sais, hein? Fait peur comme les animaux qui doivent rater cette émission-là parce que Caroline, ils n'ont pas la radio là où ils habitent. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'es déjà rentré dans un terrier de marmottes? Non, bon point. Est-ce que tu laisses la radio ouverte pour que ton chat écoute Assemblage Requis? Je devrais? Ben, j'ai déjà fait pendant un bout de temps. je dois avouer. Je trouvais ça drôle, ça. C'est fait vrai que je pourrais faire ça. Ben, pourquoi pas? Hein? Puis je pourrais peut-être y parler. Puis oui, c'est ça. Je vais y parler en onde. Je vais mettre une caméra chez nous. Okay. Puis je vais voir si elle réagit à ma voix. Ça serait le fun. On essaye tout ça. On fait une expérience. Mais non, mais pas là. La radio est fermée. Ah, ben ouais, j'avoue. OK. Fait qu'on remet en contexte demain. Puis on refait ça. J'ai pas mis de caméra non plus. Non, et ça va être long à installer. D'ici janvier. Ouais, on s'en reparle. D'ici automne 2015. Automne 2015? Ouais, ouais. T'as repoussé ça, hein? C'est pas janvier ou autant, ouais. C'est le fun de remettre à plus tard. T'as bien raison. On aime ça. Donc, merci, Steph. Hey, ça fait plaisir. Une pièce d'Eugène et le cheval qui est faite avec les animaux, hein? Ben oui, ça prend ça. Et j'ai parlé de rage tantôt. Avec un chien qui a la rage, voici Foam. Ça, c'est fou. Eugène et le cheval et Foam. Voilà, c'est tout le temps qu'on avait pour ce spécial guide de l'utilisateur d'assemblage requis Femme Tailleule. Quelle mauvaise idée pour un titre! J'espère que vous avez apprécié notre sélection de chroniques faites par des femmes. Je pense avoir prouvé que je suis capable d'animer seule, alors on va se retrouver pour une autre édition d'assemblage requis avec moi, Stéphanie Paradis et juste moi. Steph, tu m'as pas dit qu'il n'y avait pas d'émission aujourd'hui? Oui, oui, tu rêves, Mathieu. Retourne te coucher. Puis bois donc une gorgée du smoothie que je t'ai fait. Mmh. Oh, du smoothie. Mmh. Mmh. Ça, je me sens pas bien. Oh, viens, Mathieu, je vais m'occuper de toi. Viens, allez, dors. Dors, Mathieu. Dors. Ah, à bientôt. Thank you.